Bonjour, ici Alexis Cornelier pour le podcast Mac Québec. Ce soir, à l'émission, Éric Léveillé de Protégez-vous qui vient nous parler de son application et un retour sur la WWDC de lundi. Si vous n'y étiez pas, ben vous avez manqué quelque chose. On passe. Entendez-vous? On entend la toune, oui, OK. On entend la toune. Est-ce qu'on entend Jean-François? Oui, est-ce qu'on m'entend moi? Est-ce qu'on entend Vincent? Oui, on m'entend. Oui. Est-ce qu'on entend Éric? Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Il commence toujours en nous faisant un petit peu peur comme ça, en nous disant qu'ils ne nous entendent pas, puis finalement, on finit toujours par apparaître et ils finissent toujours par nous entendre. Donc, bienvenue au podcast Mac Québec, ce podcast à propos de vos nouvelles de Apple, de tout ce qui est Apple. Et où est-ce que je m'en allais avec ça? Aujourd'hui, avec moi pour aider pour le show, on a Jean-François Roy qui est avec nous, comme d'habitude. Ça va bien, Jean-François? Ben oui, très bien, toi? Oui, très bien. Et Vincent Miller, qui, à cause de l'invitation qu'on a lancée à Éric, a mis un pantalon, mais vous ne pourrez pas le voir, donc ça ne fait pas vraiment de différence. Ça va bien, Vincent? Oui, ça va bien, toi? Oui, passe une bonne semaine? Oui, oui, une belle semaine. Oui, qu'est-ce qui se passe, Jean-François? Est-ce que vous avez fermé tous vos micros sur Spreecast, les gars? Vu que la page a reloadé, peut-être que ça... Pas le micro, mais le pas le micro, mais l'icône du son. L'autre, de l'autre côté. Oui, oui. L'icône du son est fermée pour tout le monde? Oui, oui, moi, je l'ai fermé. C'est fait, moi aussi. OK, bon. C'est bon. On va essayer. Le son rush toujours en début de show, mais ça finit toujours par se stabiliser. Voilà, en fait, on a eu une semaine assez remplie de nouvelles à Apple. Il faut dire que lundi, c'était le WWDC. On va y revenir un petit peu plus tard. Avant, est-ce que, messieurs, vous aviez des coups d'os ou des coups de douze? Moi, j'ai un coup d'os. Vas-y. Oui, en fait, ça n'a pas du tout rapport à Apple. C'est une ville, j'ai oublié, je pense que ça ressemble à je pense que c'est Marlborough, c'est quelque chose comme ça, là, au Massachusetts. Puis, le conseil de la ville a voté, t'as plus le droit de sacrer en public. Donc, tu reçois des amendes salées à chaque fois que tu sacres en public. Donc, c'est ça, je trouve ça un peu niaiseux, là, parce qu'on s'entend, c'est pas non plus très intelligent de sacrer en public, mais quand même, t'as pas le droit de dire telle affaire en public. Je trouve ça un peu trop. Là. C'est pas pire, faire le podcast nous coûterait à peu près 800 $ par épisode, si la loi AGF, était... AGF. Ouais, c'est ça. Ça me coûterait cher. Effectivement. Ouais. Puis l'autre chose, il y a un podcast qui vient de cet état-là, au Massachusetts, puis eux autres, ils disent « Hey, au Québec, ils ont une loi, ils ont pas le droit d'être plus que 50 ensemble. » Ils nous trouvent tout aussi gnochons. Et avais-tu un coup d'os? Un bon coup? Coup d'os, mon Dieu. J'ai essayé, on va revenir, là, on va y revenir pendant le show, mais j'ai essayé iOS 6, puis c'est quand même intéressant. Il y a certaines options très intéressantes, plusieurs que je ne peux pas parler, là, parce que on est sous NDA, donc c'est sûr que pour les personnes dans le chat, n'oubliez pas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire là, pour ceux qui ont la bêta. Mais on va faire de toute façon un retour sur ce qu'on a le droit de dire puis ce qui est très intéressant à la date. De toute façon, il y a des choses ça, qu'on ne peut pas dire, mais qui sont aussi... Il y a d'autres choses intéressantes qu'on ne peut pas dire encore qu'on a hâte de dire. Oui, iOS 6 qui est effectivement... très stable, on y reviendra plus tard. JF, as-tu un coup d'os, un coup de 12? Ben moi, j'ai un coup de 12. Ah. Ça va au professeur d'école secondaire qui a montré le merveilleux film de Magnota aux élèves du secondaire 4. Assez gnochon, effectivement. Assez gnochon, le gars. Et je suis très content qu'il ait perdu sa job aujourd'hui. Effectivement. Ben, je pense pas que c'était nécessaire qu'il perde sa job. Suspension sans quand, sol. Non, quand tu es rendu que tu fais voter des jeunes de secondaire 4 dans une classe pour savoir si tu vas regarder un film de, qui est en train de tuer quelqu'un. Là, qui est un snuff movie, là, c'est un peu. Oui, c'est peu ça, clair, exactement. Là. Ça j'ai, prend un esthétique. J'ai pas dit c'était bien, mais écoute, c'est tellement rendu des conneries et puis expérience personnelle. Tu sais, ça fait quelques années à peine que j'ai quitté le secondaire, puis pour dire, il y a des conneries qui se font. Moi, j'étais dans des programmes comme l'international, fait que c'était moins pire. Là. C'était du monde qui voulait étudier ce genre-là, mais écoute, il y a du monde qui se frappe, qui se crache dessus sur, à des professeurs, puis les professeurs ne disent rien parce que ça arrive à tous les jours. Fait que tu sais, des conneries de même, le gars aurait pu être suspendu pendant plusieurs mois sans solde, mais de là à le mettre à la porte. Puis je veux dire, il se fera pas, il rentrera pas dans aucune autre école à cause de ça. Là. Fait que le gars, c'est fini sa vie. Là. Il a fait l'université et tout, puis c'est fini. Ouais, à cause de ça, c'est une erreur. C'est le moins bon. C'est une erreur, c'est une très grosse erreur. Ouais. Mais bon, en tout cas. Pour ma part, coup de 12, je pense que je vais le donner à Apple pour la mise à jour des Mac Pro. On va y revenir un petit peu plus tard, mais des nouveaux ordinateurs les plus puissants qu'Apple produise avec... un processeur qui est sorti au premier quart de 2010. Je suis pas sûr de suivre. On a entendu des nouvelles, là, mais bon, ça, je trouve pas ça terrible. Pour ce qui est de mon coup d'os, ben, je vais le donner à mes followers sur Twitter qui, hier, je leur ai demandé un petit service et ils l'ont fait. Et ça a fait exactement ce que je voulais. Je peux pas aller plus loin que ça, mais tous ceux qui me suivent sur Twitter... et qui ont replyé à un de mes tweets hier soir, ben ça a marché. Fait que je suis bien content. On a un concours à Mac Québec. Je ne sais pas si Eric a participé. C'est pour gagner un Gorilla Mobile Ori de la compagnie Joby, qui est une housse pour les iPads, justement. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc, c'est la housse que je montre. Mon iPad est plus loin, je ne l'ai pas. Mais c'est une housse en métal qui protège très bien, qui est une espèce de socle en même temps. Donc, vous pouvez encore participer à ce concours-là jusqu'à la fin du mois de juin. Et on a encore envoyé certains des prix qu'on a fait tirer en mai et peut-être même en avril. Vous allez sur la page macquebec.com/concours- Gorilla Mobile Ori, ou je ne sais pas exactement, là, mais sur la page, vous avez des indications. C'est concours Trédignon Gorilla Mobile. Ah, excellent. De ce que je me souviens. Voilà. De toute façon, le lien est sur la page principale de Mac Québec. OK. On voudrait aussi, pour lundi, ceux qui se sont joints avec nous pour l'événement du WWDC from Sherbrooke City. On devrait s'excuser des problèmes qu'on a eus avec le site web au début de la présentation. On était supposé de commencer à 12h30 et le site a complètement planté en ouverture. À 12h45. Ouais. Fait que on était supposé Vincent avait tout préparé la page pour le keynote avec le chat et tout le tralala. C'est ça. Fait que on n'en dira pas plus parce que sinon, moi, Vincent puis Alexis, on va s'emporter sur certaines personnes. Fait que c'est ça. Fait qu'on voudrait. Exactement. Rendre notre. On va se censurer. Oui, c'est ça. On voudrait rendre notre mea culpa pour lundi. Sinon, est-ce que la page de dons que tu avais fait, est-ce qu'elle est sur la page de podcast, Vincent? Elle n'est pas sur la page de podcast, elle est encore sur la page Keynote. Ah, OK. La page don, là, le widget don, il est placé d'une certaine façon où pour l'instant, on ne peut pas l'ajouter pour la section podcast, mais ça va être fait dans les prochains jours, ça va être fait. Sinon, justement, de Mac Québec, ben vous pouvez toujours passer par macquebec.com/keynote. Il n'y a aucun problème au niveau de l'abonnement ou du don unique. C'est là aussi. Là. Voilà. Donc, si vous écoutez tous ces épisodes depuis un bon bout de temps qu'on en fait, 6 mois comme faux, c'est octobre. Depuis octobre. En fait, qu'on le fait tous ensemble. Donc, si vous appréciez en fait les nouvelles, vous allez sur macquebec.com/keynote de la page tout en bas. vous avez ce widget-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Je ne pense pas que Vincent t'a déjà fait pour le tirage de Diablo qu'on va faire aujourd'hui. Pour le sleeve stand et le space mount aussi, on va les faire aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin. On avait dit que ce serait en début de show, mais là, on a un invité. Puis lui, il a une vie, puis c'est ça. Fait que on va commencer ça. Je voulais juste... Oui, on a tout fait ce qu'on avait à faire. Donc, qui est avec nous aujourd'hui? C'est M. Éric Payet. Et M. Payet, vous faites quoi dans la vie? Vous travaillez pour qui? Moi, je travaille, protégez-vous. Mon nom, c'est Éric Léveillé. Excuse-moi. Pas grave. C'est... J'imagine que tu connais ça, Éric Payet, quelque part. Oui. Dans l'univers, oui. Oui, donc je travaille pour Protégez-vous. Je suis là-bas, je m'occupe du développement de numérique, développement des plateformes numériques. OK. Attends, on n'entend pas Éric. Pas du tout? Non. Il semble que non. Oups. Si tu cliques encore une fois sur ton petit gear, Éric, ouais. tu vas voir ta caméra, puis juste en dessous, tu vas voir comment choisir le microphone. Clique là-dessus, et puis là, en parlant, tu vas voir comme il y a des trucs qui montent. Là. Il y a des comme un equalizer qui monte si tu parles, puis qui se transforme en vert. Vas-y donc voir. OK, attends un petit peu. Ça va pas long. OK, tout de suite. Donc, Éric, avant que tout ça ne foire un peu, tu nous as travaillé chez Protégez-vous. Tu es au développement des affaires là-bas, c'est ça? Oui, je m'occupe du développement des plateformes numériques. OK. Et tu es ici, en fait, pour nous annoncer un petit peu une primeur, en fait. On est le 14. Demain, vous allez sortir une application. Oui, on sort une application iPad demain. En fait, comme plusieurs magazines l'ont fait, nous, on va offrir aux abonnés de Protégez-vous une application iPad qui va être la version bonifiée puis la version enrichie du magazine. Enrichie comment? Bien, en fait, on a commencé à faire pas mal de vidéos. Alors, c'est sûr que les vidéos vont venir enrichir le contenu. Et puis, quand on fait les tests de produits et ou les évaluations de services, on prend plus d'images maintenant. Il va y avoir des galeries d'images qui vont venir s'ajouter. On va aussi faire des contenus exclusifs qui ne seront pas nécessairement dans le magazine papier, puisqu'on a dans le magazine papier la limite de l'espace papier. Mm-hmm. Dans la version iPad. Ça me donne pas mal plus de flexibilité, en donner plus. OK. Comment... Tu parlais de contenu de plus. Ça pourrait être-tu, par exemple, des bancs d'essai exclusifs à ce magazine-là électronique? Ou c'est vraiment juste galerie, vidéo, ces choses-là? Oui, on a déjà commencé à le faire. Par exemple, on a fait un test... Il y a quand même quelques temps déjà, 6-7 mois sur les tablettes où on a testé en fait l'ensemble des tablettes avec un panel d'utilisateurs, un test d'utilisation comme tel. Et ça, c'était seulement accessible sur le numérique. On en a parlé un peu dans le magazine, mais le résultat du test n'était pas dans le magazine nécessairement. OK. OK. C'est ce genre de contenu-là qu'on fait de façon exclusive sur le numérique. Par exemple, on a aussi des journalistes qui vont aller couvrir des événements partout dans le monde, en fait. Et okay. Ça, on crée des carnets là-dessus, des carnets numériques exclusifs au numérique. OK. Au niveau de la possibilité d'accéder à ce contenu-là, ce que tu m'expliquais, je pense, c'est qu'il faut être membre de Protégez-vous. Déjà, est-ce qu'on est obligé, en fait, d'être membre de la version papier de Protégez-vous ou on peut avoir un abonnement uniquement pour l'application? Ben, il y a deux sortes d'abonnements. Il y a un abonnement qui donne accès à l'ensemble des plateformes. Il y a un abonnement qui fait qu'on reçoit le papier, mais qu'on a accès aussi au site web, à la version mobile du site, puis à l'application iPad. Ça, c'est une sorte d'abonnement. Et il y en a une autre où on ne reçoit pas le papier. On a seulement accès aux plateformes. OK. Donc, le prix doit être moins élevé pour celle-là. Oui, le prix est moins élevé. C'est quand même y a une différence qui est là. Assez importante, mais il faut dire qu'il y a quand même une valeur au contenu chez nous qui est assez grande parce qu'on est un organisme qui a peu de revenus publicitaires. Les seules publicités qu'on, euh, qu'on accepte chez nous, c'est les publicités qui proviennent de gouvernements, par exemple. OK. Ou d'organismes en but lucratif qui ne font pas aucun commerce. Alors, comparativement à d'autres magazines au Québec, la plupart, presque tous, vont tirer de 60, 70, 75 % de leurs revenus de par les revenus publicitaires. Les clients, madame au foyer, tout ça, là, qui sont très, très épais, mais que finalement, si tu sors le contenu de ça, tu as un feuillet d'à peu près 15-20 pages là, au plus. Là. Donc, vous, l'entièreté du magazine étant du contenu produit par Protégez-vous, faut qu'il y ait un abonnement. Faut que, tu sais, je veux dire, les journalistes sont payés, donc c'est normal que ce soit comme ça. Ouais. Donc, pour l'application, tu disais qu'elle était iPad uniquement, donc vous avez décidé de ne pas faire quelque chose pour l'iPhone. Non, on n'est pas, sur l'iPhone. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a développé une version web, furteur mobile, okay. Pour téléphone intelligent, mais web-based. On n'a pas fait encore d'application native pour l'iPhone ou pour Android. Peut-être que ça va venir, mais nous, on a 110 000 abonnés présentement. OK. Puis ce qu'on voit, c'est pas mal de monde, 110 000 abonnés donc, au Québec. Puis c'est une clientèle qui est assez âgée, tu sais, assez âgée, entendons-nous, là, mais le gros de notre clientèle, nous, a de 40 à 65 ans. C'est des gens qui sont pour la plupart dans leur vie, là, dans le cycle de la vie, là, qui sont assez placés, comme ça on peut dire. Et il y a au-dessus de 20 % maintenant des gens qui viennent nous visiter. Via une tablette. T'sais. Et puis, de ça, la majorité au Québec, là, c'est l'iPad au Québec, le marché. Là. Effectivement, c'est la grosse tablette. En même temps, j'imagine que vous y avez réfléchi, mais c'est ça va apporter. Là, tu disais du monde entre 40 et 65 ans, c'était une bonne partie de ceux-là. Ça va, j'imagine, pour vous, apporter des jeunes. On s'entend peut-être pas 15-20 ans, mais la trentaine qui utilise l'iPad fréquemment ou qui utilise la version qui utilise juste le site web avant vont s'abonner juste au magazine électronique aussi. Ben, ouais, tu sais. En fait, l'idée, c'est de n'avoir besoin que Protégez-vous. Puis, ben, les consommateurs qui sont plus jeunes, comme tels, en ont. C'est clair que souvent, nous, on pense que c'est eux qui en ont le plus besoin parce que c'est eux qui ont, en termes de conseils, puis en termes d'expérience au niveau de l'achat, puis pas juste de l'achat, mais des finances personnelles, puis d'un paquet de choses. Nous, on a l'information là-dessus qui peut être utile. Mais les choses étant ce qu'elles sont, c'est souvent ceux qui sont plus placés, qui font une famille, en fait, qui ont un statut un peu plus stable, qui vont commencer à mettre ou avoir un peu plus d'intérêt par rapport à de l'information poussée en consommation, comme nous. Conscientiser au niveau de leur choix d'achat, tout ça, là. Oui. Ben, en fait, les choix d'achat, c'est quelque chose, nous, ce qu'on voudrait faire, puis ce qu'on essaye de faire, on réussit, en fait, parce qu'on touche pas mal plus de monde que seulement nos 110 000 abonnés. On touche... On est en relation avec autour de 200 000 personnes au Québec avec des bulletins d'information parce qu'il y a quand même du contenu qui est accessible gratuitement. Là, autour de 20 et 25 % du contenu qu'on publie est accessible gratuitement. Fait que, oui, effectivement, on est là, on va être là partout pour tout le monde, mais c'est sûr que ça prend du contenu, ça prend des revenus là, quelque part pour pouvoir continuer de faire la job, tu sais. Est-ce que ces dernières années, c'est peut-être un petit peu touché comme question, mais vous avez vu un ralentissement ou ça s'est maintenu au niveau de Protégez-vous, qui jouit quand même d'une très bonne réputation comme magazine, là, mais est-ce qu'il y a eu une descente? On dit que les magazines sont en train de mourir. Moi, je pense que le contenu pertinent n'est pas en train de mourir, c'est juste que peut-être des magazines généralistes vont peut-être plus avoir de la difficulté. Donc, est-ce que pour vous, c'est comme une bouée de sauvetage ou c'est pour vraiment agrandir l'offre de service? Bien, c'est nécessaire. T'sais, nous autres, on pourrait pas être ailleurs qu'on est en ce moment. Là. Le numérique, nous, ce qu'il a fait, c'est qu'il a maintenu les abonnés, puis a augmenté le lectorat. Fait que c'est ce que ça, c'est en général, là, ça a été un, un bon move de le faire. Nous, on s'y est pris assez tôt. Okay. On a réussi à faire de quoi. Enfin, je pense que c'est assez intéressant dans les moyens qu'on avait. Mais oui, c'est un bon move. Moi, pour répondre à ta première question, là, les magazines imprimés ils vont continuer à vivre, mais ils vont changer de forme. Okay. C'est ce qu'on appelle du slow media dans notre terme. C'est des médias, les magazines, où tu peux prendre le temps de les consommer. Ça dure un mois, si on traîne sur la table de la cuisine. Puis, okay. Ça se développe en fonction de ça, en fonction d'avoir des contenus plus approfondis, mais parce qu'il y a du contenu très approfondi sur le web aussi, mais la manière de le consommer dans un magazine est peut-être plus accessible que sur le web. Sur le web, souvent, on cherche à présenter une information qui se consomme très bien avec le multimédia, avec de la vidéo, avec du podcast, avec un paquet de... Puis il y a du contenu écrit aussi. Donc, on s'entend, là. On a un côté divertissant avec le multimédia qu'on n'a pas dans le magazine. Le magazine, c'est le plaisir de lire. Puis moi, je pense que ce que ça va donner dans les prochaines années, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'articles de fond. Ça va être des magazines qui vont être encore mieux faits pour offrir un plaisir au niveau de la photo, au niveau de l'illustration. Est-ce que ça existe déjà, est-ce que les articles peuvent être achetés individuellement ou il faut consommer tout le paquet d'articles que vous nous avez concocté pour le mois? Sur le web, on peut acheter un article individuellement. OK. C'est autour, de quel prix? Ça ressemble à quoi? C'est $5.95. OK. Pour avoir accès à un dossier complet, ouais. OK, quand même. Puis un abonnement au magazine en tant que tel, mettons, si on veut la version iPad, là, tu sais? À $27 par année. Ah, OK. Donc, 12 mois. Puis moi, en tout cas, personnellement, quand je regarde la couverture du magazine, il y a toujours un article au moins qui m'intéresse dedans. Fait que 12 articles qu'on achèterait 5$, c'est peut-être mieux d'y aller avec le prix que tu donnes à $29. Ben, tu sais, un achat avisé, là, seulement qu'un achat avisé, de, par exemple, d'une laveuse ou d'un lave-vaisselle, ou peu importe, pour lequel il y a des informations qui ont été utiles prises dans Protégez-vous, ça paye l'abonnement souvent. C'est vrai. Plus qu'une fois. Mais outre les tests, c'est un paquet d'articles d'enquête. Nous, on a un taux de renouvellement au magazine là, de 70%. C'est énorme. Il n'y en a pas beaucoup dans les magazines qui ont un taux de renouvellement aussi fort que ça. Puis c'est pas vrai que se renouvellent parce qu'ils veulent acheter un poêle et un frigidaire. Ils l'ont acheté une fois, ils ont acheté le Protégez-vous. Il y a un paquet d'autres articles d'enquête qui sont là, qui sont intéressants sur la consommation en général. L'article, tu sais, quand le H1N1 est arrivé, ben nous autres, on était là, on a fait des articles de fond sur les jouets, sur le plomb dans les jouets. On va ailleurs que dans les tests. Puis ça intéresse beaucoup, beaucoup les gens. Ben, en fait, je sais que votre magazine de jouets chaque année, c'est tout le temps un hit. Là. Les parents achètent ça pour trouver les meilleurs jouets. On cherche facilement les sauts d'excellence là-dedans. On achète ça, puis ça va habituellement bien. Là. Ça permet de ne pas acheter des trucs à batterie énervants pour les enfants. Tu as des enfants, là. Hein? Tu as des enfants, fait que tu l'as, ce besoin-là. Oui. Moi, ils sont rendus grands. C'est correct. C'est bon. Nous, on doit retourner quand même à nos moutons. Donc, l'application sort quand exactement? Ben, en fait, on la met puis on la dépose sur le iTunes Store demain. OK. Elle n'est pas encore disponible. Ça va être demain. C'est comme une exclusivité que tu sois là. Oui, parce que la journée finit tard puis elle va commencer le bonheur demain. C'est bon. Écoute, on était super contents de te recevoir, Éric. Puis s'il y a des changements à l'application ou que Protégez-vous sort d'autres produits intéressants, ben t'es le bienvenu à venir nous voir et nous en parler. Oui? Venez nous voir sur le site, puis s'inscrire au bulletin ou nous suivre, Feed RSS. Ça va faire plaisir. C'est une bonne idée, ça. Feed RSS, j'aime bien, moi. Est-ce qu'il y avait des questions de la part des utilisateurs ou on a pas mal répondu à toutes de la part des gens dans le chat room? C'est une application standalone. Oui, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une application qui va aller dans Newsstand ou c'est une application tout seul, Protégez-vous? C'est une application tout seul, Protégez-vous. Ah, OK. Ça ne va pas dans Newsstand parce que le modèle d'affaires d'Apple est encore... le modèle d'affaires d'Apple demande qu'on leur... si on était dans Newsstand, nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, nous demande de... C'est 30 % là. Pas tellement le 30 % qui est fatiguant. Ah, c'est OK. C'est la base de données en arrière. C'est Newsstand a ses clients, alors. OK. Ça devient les clients, pas nécessairement de Protégez-vous, mais les clients d'Apple dans ce cas-là. Et ça, ça achète beaucoup les utilisateurs. Oui, j'avoue que ça, c'est peut-être effectivement plus fatigant. Ce côté-là, on y pense moins. Nous autres, on se disait, ah, c'est à cause que ils veulent pas donner nécessairement le 30 % mais c'est une bonne idée, une application seule. De toute façon, le logo est là, puis les gens vont s'en souvenir. Puis, par exemple, dans certaines nouveautés, on peut lancer des applications par la voix, entre autres dans iOS 6. Fait qu'on va pouvoir lancer Protégez-vous en demandant... ouvrir l'application Protégez-vous. Si Siri entend bien la version québécoise, là, on s'entend. Bon, ça marche. J'ai fait des tests aujourd'hui. Okay. En tout cas, c'est sûr que nous autres, on est au début de ça. Fait que, on a une première application. On va vraiment en faire une autre. C'est pas dit qu'on ne sera pas sur Newsstand non plus. Peut-être qu'on va y arriver là. Puis, même une application iPhone, on va voir. Il faut mettre des priorités à quelque part dans le développement pour nous autres parce qu'on n'est quand même pas une très grosse entreprise. C'est vrai. Mais on est au tout début de tout ça. On pense que ça va marcher. Excellent. Bien, on invite avertir les gens quand l'application va sortir demain sur le compte de Mac Québec. Puis on recommande à ceux qui sont membres de Protégez-vous de la télécharger. Ceux qui ne le sont pas encore, bien, à ce moment-là, allez voir. Puis si vous pensez que c'est un produit qui peut être intéressant, c'est un produit québécois. Donc, il y a le Consumer Report qui est aux États-Unis, qui fait quand même des tests, mais c'est souvent pour des trucs qu'on trouve aux États-Unis. Vous, c'est vraiment localisé au Québec. Fait que on est bien content d'avoir ça. Ah oui, puis Consumer Report, c'est nos amis. Hein? Fait qu'on leur parle souvent. Là. C'est pas dit qu'un jour, on n'aura pas un plus d'échanges avec eux. Ah ah, c'est excellent, mais ils ont dit que l'iPhone 4S n'était pas un bon achat. dans les numéros, ils se sont repris un petit peu après. Je pense que c'est l'iPhone 4 qui ont dit que ce n'était pas un bon achat. iPhone 4S, c'était un bon achat. Donc, on te remercie. En tout cas, nous autres, on a qualifié le iPhone 4 comme un bon caméscope. On a fait un test sur les caméscopes. OK. Et iPhone comme utilitaire de caméscope est bien sorti, est bien coté. Excellent. Bon, on te remercie, Éric, et puis on va continuer avec nos choses. On va te laisser aller avec ta vie. Et tout ce qu'il y a à faire commence à être tard là, pour continuer ça. Donc, salut bien, puis on se tient au courant. Ouais, salut, puis salut. J'espère qu'avec moi vont partir les problèmes. On va voir, peut-être. Peut-être que le son de JF va revenir... quand tu vas nous laisser. Faut pas dire ça parce que sinon ça va rester avec nous. OK, salut. Salut bien. Bye bye. Bye. Bye. JF, fais donc un test. Est-ce que tu es là? Est-ce que vous m'entendez? Non. Bon. Écoute, c'est la première fois. C'est pas grave, JF. Là. Alexis est encore en statut de cire. C'est-à-dire que je bouge pas. Ça, c'est peut-être chez vous aussi que ça bug. Est-ce qu'on m'entend, moi? Ouais, ça, c'est... C'est parce qu'il faut comprendre, c'est des feeds individuels, là. Fait que ça se peut très bien que vous, votre fenêtre est buggée sur une personne, mais que moi, je vois Alexis bouger de toute façon. Fait que... Parfait. C'est ça, comme Patrick voit Alexis bouger. Bon, Vincent est avec moi. JF, on va le laisser... Ben là, je sais pas s'il fonctionne. Là. Ils m'entendent... Tu sais, je comprends pas que vous m'entendez sur Skype, mais ils m'entendent pas sur Spreaker. On entend JF. Bon. Bon. Alléluia! Calvaire, c'est fort. Je vais le baisser. Touche plus à rien. Je vais le baisser un peu. Bon. Donc, voilà, on va peut-être réussir en fait à parler à quelqu'un d'autre un petit peu plus tard, mais pour l'instant, en fait, on va faire un retour à notre événement de la WWDC de lundi. En général, je pense qu'on a été agréablement surpris de la qualité des annonces et aussi du nombre des annonces. Tu sais, avec toutes les rumeurs qu'il y avait, tu sais, le show, on se disait tout. Ça va durer 3 heures et ça a effectivement duré un bon bout de temps, un bon 2 heures, alors que ces derniers temps, on nous avait plus habitués à 1h30 de keynote. Donc, c'était fort intéressant. Je ne sais pas si tous les gens qui sont là en ce moment nous ont suivis lors de la présentation de lundi. On a eu des petits problèmes au niveau de l'hébergeur de Mac Québec. On a dû se replier directement sur une page Spreecast. Puis on était très content du nombre de personnes qu'on a eues. Vous, en général, avez-vous eu un bon WWDC? Êtes-vous content des annonces? Ben moi, j'ai trouvé En général, oui. Oui, vas-y. En général, j'ai trouvé les annonces assez intéressantes, là. Surtout la partie iOS 6 que j'ai aimé beaucoup. Ça a été, c'est con à dire, mais ça a été le mot clic sur Twitter le plus retweeté durant la journée. Ouais, j'ai vu ça passer aujourd'hui. Puis c'est ça. Avec les nouveautés de iOS 6 qui ont mis dans la version bêta, ça fonctionne bien à date. À part quelques petites applications là, mais bon. Quand il faut revenir de chez Sherbrooke, puis qu'il nous dit qu'il faut passer par là, puis c'est pas par là, puis ces choses-là là. Ouais, la 3G à Sherbrooke, c'est pas terrible. Non, c'est ça, c'est pas. C'est bien. C'est ça. En tout cas, mais j'ai bien aimé. Toi, Vincent? Comme tu as dit, là, en général, ça a très bien été. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps, là, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, qui disait que. Puis, c'est pas le même style, mais ça s'approche de ça au niveau de la fragmentation des iOS 6. C'est pas vraiment une fragmentation comme on voit avec Android. Où certains appareils ont un système, d'autres ne le supportent pas parce que le constructeur ne veut pas le supporter, etc. Ça, en fait, c'est plus iOS est supporté par pas mal tous les appareils, mais c'est pas toutes les fonctionnalités d'iOS qui fonctionnent avec tous les appareils, ce qui me tape un peu ses nerfs parce que, je veux dire, quand j'ai acheté mon iPhone 4, il est encore au goût du jour, il y a du monde qui... les trois téléphones, le iPhone 3GS, iPhone 4 puis iPhone 4S qui est disponible, mais... le Siri est juste sur le 4S, le flyover et le turn-by navigation. Vous pouvez utiliser votre application plan comme GPS finalement pour votre auto. Ça fonctionne juste sur le iPhone 4S. C'est toutes des choses comme ça. Ou l'iPad 2, là, on s'entend. Siri aussi, qui est. L'iPhone 4S est pas mal aussi puissant que le iPad 2, puis pourtant Siri est juste sur le nouvel iPad. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça. FaceTime aussi, ça m'a. Ouais, j'ai voulu aussi. L'essayer aujourd'hui, puis après ça, ah non, c'est pas vrai, il est juste sur iPhone 4S ou le nouveau iPad. Ouais. Mmh. Parce que côté jailbreak, FaceTime over cellulaire fonctionne, mais à merveille là, sur un iPhone 4. Là. C'est vrai. Ouais, ça fonctionne très bien. Là. C'est ça, j'ai pas compris qu'ils ont pas mis cette fonctionnalité-là dans le iPhone 4. Là. Tu sais, je veux dire, le téléphone est encore. OK, oui, c'est pas la dernière version, mais bon, ça fonctionne très bien, là, le FaceTime. Là, tu sais. Mais bon, je trouve ça un peu décevant de Apple. Si on y va, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on risque de répondre à beaucoup de ces questions-là durant les prochains mois. Les gens vont venir nous voir dans les amateurs de Mac Bonsoir, vont nous demander « Hey, pourquoi cette fonctionnalité-là? » Donc, le flyover, qui est l'espèce de 3D manière Apple, et le turn-by-turn navigation, ça, j'ai pas pu l'utiliser. Je pense que c'est pas encore activé au Canada, mais ces fonctionnalités-là sont bonnes pour le 4S, le iPad 2 et le nouvel iPad. Pour ce qui est de Siri, Vincent l'a dit, c'est iPhone 4S et nouvel iPad. Le Shared Photo Stream, qui est une des fonctionnalités moi, que j'ai trouvé très intéressante. Oui, on l'a essayé. Ça, effectivement, ça fonctionne sur les 4 appareils. FaceTime over 3G, 4S, nouvel iPad. Le VIP List et le Reading List dans Safari. Et le VIP List, c'est des personnes spéciales à qui on donne un accès et qu'on est averti tout de suite de leur, des emails qu'ils nous envoient. Ça fonctionne sur les 4 appareils. Et Made for iPhone Hearing Aids, c'est les gens qui sont aveugles et qui reçoivent des informations de leur iPhone. Ça, c'est le iPhone 4S. Et on dit que, en fait, le iOS 6 va fonctionner sur le iPhone 3GS, mais aucune des fonctionnalités qu'on vient d'énumérer ne va fonctionner sur le 3GS. Donc, Flyover, on oublie ça, Siri ne fonctionne pas. Shared Photo Stream, FaceTime, VIP List, Reading List et Hearing Aids, ça ne fonctionne pas sur, le 3GS. Effectivement. Et, est-ce qu'on voit dans le Patrick le dit, le flyover à Montréal fonctionne sur l'iPad 3. En fait, le flyover, oui, fonctionne sur l'iPad 2 et 3, puis sur l'iPhone 4S, mais c'est, je pense que c'est 12 villes plus le QG d'Apple à Cupertino qui supporte l'espèce de carte 3D. Ou sinon, il n'y a pas d'autres villes dans le monde. Là. Donc, il y a à peu près maximum 15 villes dans le monde, incluant le QG d'Apple qui est supporté pour ça. Entre autres, l'Australie, New York ne l'est pas encore. Non. San Francisco l'est. Fait que la technologie qu'ils utilisent, en fait, c'est qu'ils scannent la ville avec des avions de reconnaissance, si je ne me trompe pas. Et ils prennent les photos, ils sont capables de construire comme ça. Ça donne un effet qui est très, très réaliste quand on va, par exemple, sur l'Australie. Par contre, je ne suis pas si certain que ça, que ça rajoute à l'utilité. Là. C'est beau, mais en fait, c'est très lent d'abord. Là. C'est très lent. Puis aussi, je te dirais que c'est beau de loin. Parce que si tu t'approches, les arbres, là, on s'entend que ça fait dur pas mal. C'est sûr que c'est dur de faire des arbres avec des photos comme ça, prises de vue comme ça, mais ça a plus l'air d'un terrain montagneux que des arbres. Mm-hmm. Donc, oui, c'est beau de loin. Là. Une fois que tu as attendu ton iPad 2 minutes, le temps qu'il que les cartes l'autre. Tous les détails, c'est ça, mais c'est pas... Ça soulève la question, en fait, est-ce que Apple a fait le move trop tard? Est-ce que... c'est une version 1 d'un logiciel, puis... Pour ce qui est de la map, pour ce qui est des fonctionnalités que Apple veut y introduire, c'est quelque chose sur lequel Google est beaucoup en avance sur les produits Android. Moi, j'ai regardé si l'annonce de Apple qui mettait du turn-by-turn dans le téléphone donnait un aussi gros coup aux fabricants de GPS que l'annonce des téléphones Android. Puis l'action de Garmin lundi a pris une bonne drop là, d'à peu près 6% ou quelque chose comme ça. Donc, ça a fait un peu le même effet. Je pense que c'était un peu plus prononcé quand ça a été, Android qui l'a annoncé. Si on y va dans l'ordre, en fait, de ce qui a été annoncé au niveau des ordinateurs. Ils ont commencé, en fait, par sortir les gros chiffres, le nombre de notifications. Je pense que c'est 7 milliards de notifications par jour. Ils ont envoyé jusqu'à maintenant quelque chose comme 1,5 trillion de notifications jusqu'à maintenant. Donc, c'est immense. Les gens l'utilisent. Après ça, en fait, ils ont annoncé les nouveaux ordinateurs. Donc, MacBook Air, pas grand-chose qui change. Sauf peut-être le Ivy Bridge qu'ils ont mis sur toute la gamme de portables. Ils ont fait passer la mémoire de 4 à 8 gigs. Et au niveau de la puissance de la carte graphique, c'est Jean-François qui nous rappelait que la HD 4000 est plus rapide que la HD 3000, évidemment. Mais c'est environ C'est environ 60%. 60% plus rapide. Plus rapide. OK. C'est quand même intéressant comme augmentation. Ben oui. Puis pour le monde qui utilisait maintenant écouter des films HD, là, tu sais, des full HD, ça te dérange plus vraiment. Là, tu peux comme continuer à taper un texte en écoutant par exemple un film. Donc c'est sûr que ça pourrait être intéressant au niveau de la carte graphique puis du processeur. Comme j'ai dit, mettons avec celle que j'ai, la Intel HD 3000 que j'ai dans le MacBook Pro. Si vous rajoutez de la mémoire, si vous gardez la mémoire originale qui vient avec l'ordinateur, mettons la 4 gigs, la mémoire va être partagée de 384 MB. Moi, j'ai mis 8 gigs dans ma machine et ma mémoire de la carte graphique est tombée à 512 MB. Ah, OK. Donc, ils l'ont augmenté selon la mémoire qui était disponible dans l'ordi. Oui, c'est ça. Fait que la mémoire affecte un peu la carte graphique. Mais comme Vincent a dit, vous écoutez un film 1080p sur le Mac et même moi, je peux écouter un film 1080p Full HD et taper un texte et aller sur Internet et ça va rouler comme, comme rien. Là. C'est comme s'il n'y avait rien. Là. Puis, il y a aussi, en fait, au final, la possibilité d'augmenter le disque dur à 512 gigs. On sait que c'est un disque dur propriétaire. Il y a la compagnie OWC, je pense, qui avait proposé des espèces de barrettes de disque dur qu'on pouvait aller changer dans le MacBook Air. Mm-hmm. Mais là, Apple le propose, évidemment, à fort prix. Là. Les mises à jour et de mémoire et de disque dur sont quand même assez impressionnantes. Le MacBook Pro, qui reste en fait, qui est exactement le même ordinateur, excite le 17 pouces. Il n'y en a plus. Donc, ça c'est triste pour certains de mes clients. Il y en a qui ne sont pas très contents de ça. Évidemment, on a mis l'Ivy Bridge là-dessus, mais ça reste grosso modo le même ordinateur. Donc, on a un processeur qui va jusqu'à 2,7 GHz, tout ça, la carte vidéo. On est revenu, je pense qu'on était avec ATI, les derniers modèles, ouais. C'est ça? Ouais. Donc, on est revenu avec les cartes Nvidia sur ces modèles-là. Faut dire aussi qu'ils ont ajouté le USB 3. Oui. En passant au Ivy Bridge, les cartes permettent d'ajouter le USB 3. Oui, mais surtout qu'ils ont fait le rétrocompatibilité avec l'USB 2. Là, ça, c'est le fun parce que tu n'as pas un port de plus. C'est, ben, un port de plus, c'est toujours pratique, mais ce qu'ils prétendaient, c'est bon, regarde, les compagnies ont fait un port qui est USB 3, alors que sur le MacBook Pro, je pense que tu as deux ou trois ports USB. Puis là, ben, que tu plugues ton affaire, tu n'es pas obligé de décider de le mettre dans tel port qui est dédié à l'USB 3. Ils sont tous USB 3. Mm-hmm. Oui, mais en même temps, ça, c'est un peu comme un... C'est un peu... C'est-à-dire que les autres compagnies... Ils n'ont pas spécifié que c'est juste certaines compagnies parce que moi, il y a beaucoup de modèles que j'ai vus quand je travaillais... quand je travaillais là, dans un magasin d'électronique qu'on nommera pas. Là. Mais où... Il n'y avait pas juste un port USB 3, là. C'était toutes les ports étaient supportés USB 3, USB 2, USB 1. Là, fait que c'est certains modèles parce qu'ils veulent baisser le coût de production. Je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est là quand même. Parce que toutes les ports supportaient jusqu'à USB 3. Là, ouais. Moi, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais qu'est-ce que ça envisage, mettons, au prochain iPhone qui va sortir ou le prochain iPad? On sait que là, ils ont intégré le USB 3. Est-ce qu'ils vont garder le port des iPads et des iPhones en USB 2? Parce que c'est pas tout le monde qui va s'acheter un nouveau MacBook Pro next-gen ou un MacBook Pro qui vient de sortir. Là. C'est rétrocompatible. Ils vont mettre une puce qui est USB 3, rétrocompatible USB 2. Tu vas le plugger dans ton ordinateur USB 2. Ça va marcher. Puis USB 3, ça va marcher aussi. Ça va marcher. OK. Non, c'est juste... Oui, parce que si tu prends un disque dur qui supporte le USB 3, si tu prends un ordinateur qui est juste un USB 2, exactement, là, c'est la norme USB. Là. En fait, la grosse annonce au niveau du hardware a été le Next Generation MacBook Pro. Qui est en fait un ordinateur... qui est une bête, mais Apple le présente comme un ordinateur, en fait, de prochaine génération. On a réécrit le livre du début. On n'a pas été obligé de faire de concessions majeures. Donc, c'est un ordinateur qui perd en poids et en épaisseur. Mm-hmm. Okay? Donc, 0,71 d'épaisseur, 0,71 pouces d'épaisseur. C'est à peu près 3-4 mm plus épais que la partie la plus épaisse du MacBook Pro. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Puis ça, c'est fermé, là, donc avec l'écran fermé. Pour un poids de 4,5 livres, c'est le poids de ton ordinateur actuel, JF. Ouais. 4,5 livres. Donc, ça, c'est quand même assez impressionnant. Évidemment, le gros feature, c'est la résolution de l'écran qui est à 2880 par 1800. OK. Donc, c'est le double de ce qu'il y avait avant. C'est vraiment impressionnant. C'est du Retina, finalement. C'est du Retina Display. Donc, c'est 5 184 000 000 de pixels. Non, 5 184 000 pixels. Ouais, 5 milliards, là, c'est comme... J'ai hâte à celui-là. Oui, voilà. Donc, c'est assez impressionnant. C'est pas... Faut pas se tromper, là, c'est pas l'ordinateur s'appelle pas New Next Generation MacBook Pro, c'est MacBook Pro avec Retina Display. Ah oui, c'est pour ça. Pour ceux qui vont chercher, là. Ouais, c'est ça. Okay. C'est MacBook Pro avec Retina Display. Là. Parce que quand ils l'ont présenté, c'était écrit Next Generation MacBook Pro, donc je pensais que c'était le. C'était ouais, le ben nom. Ils ont dit ça. Ils ont comme présenté ça comme un peu l'iPhone, tu sais. C'est une révolution, mais ouais. Ils ont présenté ça comme ça, la nouvelle génération, puis ensuite ils ont présenté le MacBook Pro Retina Display. Donc, j'ai donné la grosseur un peu. Ça vient avec les processeurs Ivy Bridge, les mêmes processeurs qu'on a dans le MacBook Pro. Donc, l'amincissement de l'ordinateur ne cause pas de choix différents au niveau du processeur, par exemple, comme dans un MacBook Air, où c'est un processeur un petit peu différent, un petit peu downclocké. On a encore les USB 3, mais on n'a plus de FireWire sur l'ordinateur. Non. On a deux ports Thunderbolt maintenant. Moi, ce que je me demande, c'est s'ils sont sur des contrôleurs différents. Donc, si on a deux contrôleurs Thunderbolt ou si la bande passante est séparée entre les deux, ce qui serait pas si dramatique que ça. Par exemple, si on pense à faire du transfert de disque dur en disque dur, ben il y a un côté, parce qu'on sait, là, le Thunderbolt est bidirectionnel au niveau de l'envoi de données. Donc, il y a de l'information qui part d'un disque, l'information qui est reçue par l'autre disque, donc tout va bien pour ça. Mais le deuxième Thunderbolt, en fait, il va peut-être souvent être utilisé pour rajouter un Thunderbolt à Ethernet ou un Thunderbolt à FireWire, parce qu'il faut quand même faire fonctionner les legacy, les vieux périphériques qu'on a. Ce qu'on a appris, par contre, au courant de la semaine, parce que c'est bien beau ce que Apple nous dit sur le produit, mais évidemment, après ça, on se rend compte de ce qu'ils disent pas. Donc, iFixit, en fait, cette semaine, évidemment, sont les premiers à avoir acheté une machine, l'ont démonté. Puis qu'est-ce qu'ils ont trouvé, Jeff? Ils ont trouvé que tout était soudé à l'intérieur et collé sur le case de métal de l'aluminium. Fait que maintenant, il n'y a plus moyen de changer nous-mêmes la mémoire et même de changer le pack de batterie qu'on a vu qui était comme genre en échelon. En pyramide. En pyramide, ouais. En échelon. Parce que c'est collé sur l'aluminium et on sait que c'est cette sorte de batterie-là. Si, mettons, vous la brisez ou quelque chose, ça peut exploser. Oui, effectivement. Fait que si, mettons, vous essayez d'enlever le pack de batterie, vous voulez changer vous-même, il faut faire très attention parce qu'il peut vous exploser dans la face. Mais c'est surtout le moyen de la batterie, la mémoire vive qui est à l'intérieur, que c'est soudé sur le board comme les MacBook Air, si je me trompe pas. Faut faire attention, par exemple, parce qu'à la base, cette machine-là vient avec 8 gigs de mémoire. Oui. Puis peut être augmentée jusqu'à 16 gigs de mémoire. Mais pour 200$ de plus. Oui, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est va t'en magasiner un PC. Et ton PC, souvent, tu peux pas l'augmenter à plus que 16 gigs de mémoire. Puis souvent, ça va être 8 gigs, tu sais. Mm-hmm. Fait que la machine n'a même pas la capacité d'aller à plus que ça. Puis, ta machine, disons qu'elle a une durée de vie de 3 ans, parce que c'est une machine de type professionnel. Donc, le professionnel va pas l'étirer sur 5 ans. Il va l'utiliser sur 3 ans. Bien, il a à choisir, c'est un petit peu plate, parce qu'il a à choisir dès l'achat ce qu'il veut mettre dedans. Puis sa machine va rester comme ça. Mais c'est sûr que pour ça, c'est les espèces de choix que Apple a été obligé de faire. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, bon, ils se sont rendus compte que dans un iPod, ils pouvaient mettre une plus grosse batterie si la batterie n'était pas changeable, s'il n'y avait pas de système pour enlever la batterie. Puis ils se sont dit, tiens, si on appliquait la même pensée à tout ce qu'il y a dans l'ordinateur, puis ils sont arrivés avec une machine qui était beaucoup plus mince. Moi, je pense qu'il y a un plus grand nombre d'utilisateurs qui vont être contents d'avoir une machine avec de cette épaisseur-là, de cette grosseur-là, à ce poids-là, que de se dire « Hey, je vais changer ma mémoire d'ici 3 ans. » Ouais, ben comme Mathieu dit dans le chat, Il dit, mettons, ta mémoire flanche, là, OK? Ouais. T'as un problème avec ta mémoire. Avant, là, nous autres, ce qu'on faisait, on fermait ça, on ouvrait le cap, tu changeais ta mémoire. Là, à ce temps, il va falloir que tu prennes un rendez-vous au Apple Store, que tu l'envoies, que tu leur donnes en réparation, que ça va te prendre je sais pas combien de temps avant qu'ils changent la mémoire à l'intérieur. Fait qu'avant, si ta mémoire flanchait, tu changeais ça toi-même, merci, bonsoir, ça te prenait une journée même pas. Mais là, le renvoyer à Apple, c'est... Oui, exactement, c'est encore de l'argent pour Apple, parce que... T'sais, parce que c'est ça, faut dire aussi que le Apple Care que vous pouvez acheter avec le nouveau MacBook Pro Retina coûte 349 $. Ça a toujours été le prix d'un Apple Care pour un ordinateur portable Pro. C'est 379 $ le Apple Care plein prix pour un MacBook Pro, fait qu'il a descendu de prix. Ben c'est ça. Mais comme je te dis, c'est ça, ça va être remplaçable par Apple. Ça va être long là, avant de revoir notre ordinateur, là, ceux qui l'achètent, bien sûr, je parle. Là. Parce que toi, ta mémoire flanche demain matin. Là. Ouais. Tu t'en vas au magasin du coin, tu vas t'acheter une barrette de mémoire, tu la changes tout ça. C'est fini. Ton problème est réglé. Oui. Mais là, quand tu vas retourner au Apple Store, combien de temps ça va te prendre avant de revoir ton ordinateur? Ça va être c'est long. 5 jours. Ben, c'est 5 jours. Sauf que maintenant, en fait, je sais pas si la garantie le fait. Je pense que toutes les garanties, maintenant, les garanties prolongées, si tu l'achètes, tu as du service à la maison. Ils peuvent t'envoyer un technicien à la maison qui va venir... Oui, qui va venir remplacer ta pièce. Fait que il arrive avec les pièces qu'il faut pour remplacer cet ordinateur-là. Il voit que c'est la mémoire, il te la remplace. Le fait que ce soit collé, par exemple... Mais... On va revenir, on va parler aussi de la batterie, mais la mémoire, là, mettons, ils vont te changer ta mémoire, ils vont te changer le board au complet? J'imagine que c'est le board au complet qu'ils vont changer, vu que la mémoire, ils la dessouderont pas. Là. Mm-hmm. Je vois pas le gars arriver avec sa bonbonne puis son masque puis commencer à dessouder, là, ouais. Ça marche pas. Mais pour les batteries, comme tu disais, oui. Ben les batteries, en fait, c'est ça, si tu réussis à l'enlever, à la décoller, elle est collée, en fait, sur le fond, puis elle est collée par-dessus le câble du touchpad. Ouais. Fait qu'en essayant de la décoller, tu peux, scraper la batterie, donc te la faire exploser dans face. Mm-hmm. T'sais, prends pas ton glue heater pour essayer d'enlever la colle. Là. Si ça va te sauter dans la face. Voilà. Puis, deuxièmement, si tu fais ça puis que tu es encore vivant, bien là, tu risques de scraper ton touchpad. Fait que, tu sais, c'est une machine finie. C'est une machine qu'Apple dit non, t'ouvres pas ça. C'est nous autres qui s'en occupent. C'est pas le seul item dans la vie. Tu sais, il y a personne qui ouvre. Son cadran pour le réparer. C'est sûr qu'un cadran, c'est 40$, puis qu'une machine de même, c'est 3 700$, monté au maximum. Mais ça reste un ordinateur portable, extrêmement portable, avec une extrême durée de vie de batterie, puis pour démarrer un Mac. Je pense pas. Là, je pense. Tu sais. Faut comprendre, les gens qui sont ici, là, c'est parce qu'ils trippent Mac et ils aiment ça jouer dedans. Éric d'Ordigénie, ben, il est capable de prendre deux ordinateurs, de les mixer ensemble. Mathieu Théoret aussi. Puis c'est sûr que de voir ça s'en aller puis que Apple se garde ça pour eux autres, c'est plate. C'est comme voir une automobile que tu pouvais modifier puis que là, ils ont décidé de la fabriquer autrement puis que tu peux plus la modifier. Nous autres, on est des gars qui aiment ça. Ouvrir la machine, gosser dans la machine, bidouiller la machine. Fait que c'est un peu fatigant. Désolé, je pensais que c'était Mathieu Théo. Si on continue, en fait, ben là on passe il y avait une connectique audio qui était pas là, qui ont enlevé, donc le line-in, en fait, est plus sur le MacBook Pro Retina. Mm-hmm. Et en fait, c'est une connectique qui pouvait être utilisée par des professionnels de l'audio, mais souvent, ces gens-là ont de toute façon une carte audio externe et ils passaient par ça directement parce que, la connexion line-in du MacBook était là pour dépanner, là, mais c'est une connexion de base. Et à rendre l'ordinateur si mince que ça. Ils ont été obligés de tweaker la connexion MagSafe. Fait que, tu sais, ils se sont fait un petit peu prendre les culottes baissées parce que là, ils vendent des adaptateurs pour transformer le MagSafe 1 en MagSafe 2. Tu sais, fait que, là... Il est rendu avec beaucoup d'adapteurs maintenant. Là, hein? Ouais, c'est il y ça. A des adapteurs Thunderbolt pour FireWire 800, pour le Ethernet. Fait que c'est sûr que c'est disponible, c'est sûr qu'ils ne l'ont pas enlevé complètement, mais c'est plus là. En fait, si tu regardes, c'est qu'à la manière hardware, le MacBook Pro Retina est fabriqué exactement comme un iPad. C'est-à-dire que tu as une connectique en dessous. Sur l'iPad, c'est le 30 pins. Sur les MacBook Pro Retina, c'est des Thunderbolt. Puis là, tu rajoutes les adaptateurs que tu as besoin de mettre dessus. C'est la manière de faire de Apple. C'est peut-être pas l'idéal, mais en même temps, ils vont te dire bien, le choix qui a été fait, c'est pour rendre la machine plus rigide, parce qu'on aurait pu creuser des trous tout autour de la machine, mais elle aurait été comme pas mal moins solide. Quand on sait que, bon, des chapitres de machine... Oui, aussi. C'est ça, effectivement. Il y a aussi un truc assez intéressant. Là, ils ont parlé de la ventilation. Oui, c'est hot, ça. Au niveau de la ventilation, en fait, pour éviter que les trucs fassent du bruit, ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis les pales du ventilateur, elles sont pas à égale distance l'une de l'autre. Ce qui fait que quand ils tournent, ça ne crée pas la même fréquence qui est un son qui tourne pas égal. Pourrait fatiguer, exactement. Fait c'est vraiment ça, hot. Ça tourne. Et la courbe de son qui montrait, c'était pas mal moins. Et l'air sort par des espèces de trous qu'ils ont fait sur le côté. Mais ces trous-là, en fait, améliorent la rigidité de la machine. Tu allais dire, Vincent? Ouais, l'air entre dans ces trous-là, puis est sorti à l'arrière là, du MacBook. Là. Puis les pales, justement, c'est ça. Comme tu disais, ils ont... pas décalés, mais ils sont plus symétriques. Donc, ils sont plus alignés de la même façon. Ils sont plus aussi de la même longueur. Donc, chaque fois que l'air frappe sur chaque pale, par exemple, la première pale crée une certaine fréquence de son. La deuxième, vu qu'elle est placée différemment, l'air, ou le vent, je dirais, frappe sur cette pale-là, mais avec une fréquence de son différente. Donc, ils sont capables d'élargir leur fréquence de son, puis de diminuer finalement le bruit ambiant de l'appareil. Donc, probablement que l'appareil pousse autant d'air, sinon peut-être un peu plus pour que les MacBook Pro actuels. Mais justement, on l'entend moins parce que justement, cette fréquence de son-là est différente, puis peut-être plus élargie. Donc, c'est pas tout le son qui est sur la même fréquence, c'est décalé sur plusieurs fréquences. Là. Donc, c'est peut-être plus intéressant. De toute façon, c'est ça. Ils ont des équipements, ils ont des studios qui vaut des millions de dollars, puis ils font des tests sur ça. Fait que c'est sûr que pour le monde, pour toi puis moi, là, peut-être on verra pas trop la différence, mais c'est sûr qu'au niveau de leurs équipements, ils vont voir une bonne différence avec les anciens modèles. Effectivement. Je veux juste dire quelque chose aussi. C'est que avec tous les nouveaux ordinateurs qui ont sorti cette semaine, j'ai trouvé beaucoup qu'il y avait de mises à jour déjà de firmware à faire. Ben, il y a effectivement 3-4 mises à jour qui ont été faites depuis le début de la semaine. Il faut dire que ces ordinateurs-là ont été envoyés à l'usine, tu sais, je veux dire, ont commencé à être fabriqués il y a peut-être un mois là, tu sais, pour en avoir, parce qu'ils le lançaient la journée où ils l'annonçaient. Tu sortais de là, tu t'en allais au Apple Store le plus proche, puis tu pouvais acheter ta machine qu'ils avaient probablement en stock. Maintenant, on sait que les MacBook Pro ont dû pogner parce qu'ils sont passés très, très rapidement à 3-4 semaines au niveau des livraisons. Donc, si on veut en commander un aujourd'hui, là, c'est 3-4 semaines. C'est ce qui arrive souvent avec les appareils de Apple, les nouveautés qui sortent. Là. Pas les speed bumps, là, mais les nouveaux modèles, quand il y a un gros changement, ça prend toujours ce temps-là. La deuxième présentation, en fait, va être accessible à beaucoup plus de monde. C'est Mountain Lion, qui est le nouveau lion des montagnes. On va le voir un petit peu plus bas. donc Apple qui l'avait annoncé en avril, qui l'avait promis pour l'été 2012, c'était quand même assez rapide. Puis bon, moi puis JF, on fait quand même le test de ça depuis l'annonce, depuis avril. Les premières versions, disons que ça a été ardu, mais bon, on le savait dans quoi on s'embarquait. Puis là, c'est comme de plus en plus stable quand même. Je sais pas si tu as trouvé quelques bugs avec... J'ai-tu trouvé une couple de bugs? Non, hey, en passant, c'était vraiment Mountain Lion avec la DP3, le problème. Mon backup est revenu comme il faut. Ah, OK. Et mes vidéos Ubuntu 1080p sont revenues fonctionnelles. Bon, excellent. J'étais très content. Puis Patrick Duchamp aussi avait le même problème que moi avec sa time capsule. Qu'est-ce que tu veux dire, tes vidéos de... Ouais, parce que... Au prix que ça coûte les vidéos Ubuntu 1080p, là, ouais, fallait pas perdre ça. Non, fallait pas perdre ça, c'est sûr. Surtout ouais. Que quand on download. Voyons. Qu'est-ce qu'on a downloadé après-midi, non? Condorman, ouais, c'est ça. C'est film de 1981 de Walt Disney. C'est quelque chose qu'on va écouter. Assez rapidement, c'est un film de notre jeunesse à moi puis Alexis. C'est malade, c'est un gars qui fait de la bande dessinée puis qui se fait engager genre par le FBI ou la CIA. Puis là, ils disent, ben garde, on va te transformer en agent secret selon les gadgets que t'as dessinés. Puis il se fait dessiner l'avion de Condorman. Puis l'avion de Condorman, c'est comme une Lamborghini qu'il n'y a pas de windshield en avant. Ils sont comme dans le char, puis c'est comme une caméra qui check en avant. Fait que là, ils sont comme plus protégés. Puis le gros gadget qu'il y a, c'est qu'en avant, tu peux allonger le nez de la voiture pour que les chars avec qui tu fais des face-à-face, ils jumpent au-dessus de toi. Puis ils se font poursuivre par des gars qui ont des Porsche Carrera avec des mitraillettes dedans. C'est malade, ça forme la jeunesse. Ah, je vous le conseille. Ah oui. Ah oui, non, mais Vincent. Ça, c'est tabarouette. Vincent. Ah non, c'était carré. C'était carré comme film, là. Le James Bond, là, genre James Bond, là, c'était à peu près dans le même genre, tu sais. Le gars, il est dans une espèce de vieille camionnette dégueulasse, tu sais. Il se promène, la fille est à côté de lui, tu sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais tu sais, c'est l'espionne russe, puis tu le quittes. Puis là, oh, les Porsche arrivent, puis là, ça va être la grosse scène d'action. Et là, il appuie sur un bouton, puis il descend dans l'espèce de char qui est caché en dessous de la charrette. Puis la camionnette, elle part, tu sais, en arrière. Il y a déjà deux Porsche de scrappé. C'est écœurant. Ouais. Ça, puis les Goonies. Bon, c'est qu'on était rendu, donc? C'est la parenthèse. Oui, c'est ça. Mountain Lion, qui a pas mal de nouveautés. Beaucoup de choses, en fait, qui sont reprises du iOS et qui sont ramenées dedans. C'est une tendance assez importante chez Apple. Vous autres, les fonctionnalités les plus intéressantes que vous avez vues, c'est quoi? Ben moi, j'ai été bien surpris depuis qu'on le teste, du centre de notification. OK. Qui a beaucoup pris de maturité depuis les dernières versions. Mm-hmm. Aussi, les onglets dans Safari. Oui. Parce que maintenant, dans Safari, version 6, et avec iOS 6, qu'on va parler plus tard, vous ouvrez un onglet, que ce soit sur votre téléphone iPad, et l'onglet peut être allé rechercher sur Safari. Fait que vous avez un onglet, vous voyez un petit nuage, vous appuyez dessus, vous voyez tous les onglets que vous avez sur vos autres machines connectées avec le même user ID. C'est sweet, ça. Ça, c'est hot, là. Ouais, c'est bien. Ça, c'est super le fun, là. T'sais, tantôt, après-midi, justement, à soir, quand je suis arrivé, je me cherchais une page. Hey, c'est quoi la maudite page? Puis je l'avais encore dans la mémoire de mon téléphone. J'ai été sur Safari, puis il était là. Fait que là, j'ai pu voir. Fait que. Mais c'est ça. Fait que c'est très le fun. J'ai bien aimé cette petite nouveauté-là. Le menu de partage. Le nouveau menu de partage, c'est vraiment intéressant, effectivement. Ouais. Ils ont intégré Twitter et Facebook va être intégré d'ici octobre, d'ici l'automne. Mais nous autres, on a la version développeur, fait qu'on peut l'installer. C'est très le fun, c'est super. Là, ça prend 2 secondes à cette heure tweeter. T'as même plus bougé d'ouvrir. Mettons ton tweet deck, il est fermé. T'as même plus besoin d'ouvrir ton tweet deck. Là. Puis Facebook aussi. Je sais pas si tu as remarqué, GF, quand en fait, parce que maintenant, dans les dans la rubrique, dans les préférences système, tu peux rajouter tes comptes Twitter et ton compte Facebook. Ouais. Et l'intégration, en fait, elle sert pas juste à pouvoir tweeter et pouvoir Facebooker. Non. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux updater tous tes contacts. Il va aller chercher leur nom Facebook et il va créer une rubrique Facebook dans tes contacts, ouais, où il va rajouter leur truc. Il va vérifier leur date d'anniversaire aussi. Il va updater les dates d'anniversaire de tout le monde dans ton, contact sheet. Puis, si c'est updaté dans ton contact, ben c'est updaté aussi dans ton calendrier. Et il fait un petit peu la même chose avec, avec le compte Twitter. Et un peu comme ce qu'il fait, et on va en parler dans iOS plus tard, mais dans le centre de notification, il te rajoute un bouton Twitter, un bouton Facebook. Et à ce moment-là, tu peux tweeter ou Facebooker à partir du centre de notification. Mm-hmm. Donc ça, c'est quand même intéressant. Puis un autre des gros avantages, puis ça, ça a été, je pense, ça a fait le WWDC de JF, c'est le prix. Le prix. Combien il va coûter le nouveau Mountain Lion? 20$. 20$? Seulement 20$. 19,99$. Hein? Ouais. Et ça va être disponible en juillet. Ouais, prochain. Voilà. Et en fait, les gens qui n'auraient pas fait la mise à jour à Lion, donc qui ne se sont pas procuré le Lion qu'il y a actuellement, le 10.7, vont pouvoir acheter 10.8 à 20$ et passer de 10.6 à 10.8. Moi, je dois prendre un petit 30 secondes. Je vais vous laisser donner la liste des appareils qui sont compatibles. Ouais. Vincent, tu veux-tu le faire ou je le fais ou... Pour iOS ou pour... Non, pour Mountain Lion. Pour Mountain Lion. Fais-le Mountain Lion. OK, c'est Mountain Lion. Ben, on sait tous que Mountain Lion prend beaucoup de puissance avec les ordinateurs. Fait qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont laissés à Lion tout court. Fait qu'on a les... Je vais dire vite, là, les iMac mi-2007 et plus récents sont compatibles. MacBook fin 2008 en aluminium et début 2009 est plus récent. MacBook Pro milieu et fin 2007 est plus récent. MacBook Air fin 2008 jusqu'à aujourd'hui. Mac Mini début 2009 à aujourd'hui. Et le bon vieux Mac Pro version 2008 jusqu'à 2010 parce qu'il n'y en a pas une nouvelle version cette année, t'sais. Pensais que parce qu'Apple s'est trompé sur leur site, ils ont mis parce qu'à chaque fois qu'Apple sort des nouveaux produits, ils mettent tout le temps new à côté de leur icône sur le store. Et on a vu new sur Mac Pro. Parce que Apple dit pas tout dans leur conférence. Fait que là, c'était même pas vrai. Apple s'est trompé. Fait que. Ah, ça, c'est quelque chose. On se demandait aussi au niveau des 12 corps. Écoute, on se demandait, coudonc, c'était-tu là avant, c'était-tu pas là? Puis on n'avait pas trop de moyens, on pouvait pas vraiment reculer dans le temps savoir si... ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ils se sont trompés en faisant ça. Mais faut dire aussi que Apple ont sorti des nouveaux périphériques comme le AirPort Express qui ressemble étrangement à Apple TV là. Une chance ça que c'est exactement de la même forme, de la même épaisseur. Ouais. Ça fait que une chance que c'est blanc parce qu'on pourrait se tromper, tu sais. Fait que mais là, les rajouts là-dedans sont quand même assez intéressants. Oui. Quoique moi j'ai vu du monde qui aimait bien le form factor et le fait que c'était un plug in the wall automatique, tu n'avais pas de fil ou quoi que ce soit. Donc les nouveautés en fait du AirPort Express sont quand même intéressantes, comme je disais. Il devient dual band. Mm-hmm. Donc jusqu'à maintenant, le AirPort Express était soit ton routeur, soit une extension des réseaux existants. Mais si ton AirPort Extreme, tu le mettais en 5 GHz, tes AirPort Express te servaient comme à pas grand-chose. Fait que ça, c'était un peu fatigant. Fait que là, il va pouvoir étendre les réseaux 5 GHz. Il est vendu le même prix et il est aussi muni d'un port réseau pour le réseau local. Donc, par exemple, si vous avez un PC qui n'est pas muni d'une carte sans fil, une grosse tour de gaming, par exemple, que vous voulez connecter filaire, à ce moment-là, c'est possible de le faire directement dans le routeur. Mm. Ou si, par exemple, vous avez une imprimante réseau, bien, vous pouvez encore la connecter sur, sur le routeur. Comme une grosse machine de gaming pour jouer à Diablo 3, là. Voilà. Ils ont sorti un nouveau smart cover avec, avec comme du silicone pour l'arrière, je pense, pour protéger le derrière du iPad. Ouais, j'ai vu ça, mais j'ai vu sur Twitter que je sais plus c'est qui, je pense que c'est Matt Legay. Il a dit qu'il était slack. Ah oui? Ça a l'air que... Ouais, c'est toi, ok, c'est... je me souvenais plus. Fait que ça a l'air que le iPad 2 puis ou le nouveau iPad, il bouge à l'intérieur du smart cover. C'est le iPad 2 qui va bouger parce qu'il est plus mince que le iPad 3. Donc, le nouveau cover est fait pour le iPad 3. C'est sûr que si tu mets un iPad 2 dedans, ça marchera pas. Le dock connector arrive même pas dans l'emplacement. C'est un iPad 2 que tu as? Oui, c'est ça. Mais mon 3, les deux sont pareils. Parce que l'iPad 3 est un petit peu plus épais que le 2. Ils se sont peut-être plantés dans le moulage. Ils vont régler ça. Vous allez avoir un recall. Là. Peut-être. Ouais. Vous avez parlé des Mac Pro quand je suis arrivé. C'est ça que ouais. C'est de ça que vous parliez. Oui, c'est pas terrible. By the way, le casing du Mac Pro, êtes-vous capable de me dire depuis quelle année il est comme ça? Oh mon Dieu, non. 2006. 2007. 2003. Est-ce que c'est le même casing? Le Power Mac G5 est sorti en 2003. Fait que le casing, il est comme ça, du Mac Pro est comme ça depuis 2003, avec un processeur de 2010, ordinateur sorti en 2012. Fait que là, les rumeurs... Mais le casing est beau quand même. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça veut dire, ça fait l'année prochaine, ça va quand même faire 10 ans que Jonathan Hive s'est penché sur une brique d'aluminium pour y donner un look d'une tour. Tu sais, comme il aurait pu faire de quoi. Mais les rumeurs disent que c'est l'année prochaine qu'il va y avoir quelque chose. Je vois de moins en moins Apple être dans le domaine du professionnel. Ils ont abandonné, là, tu sais. Ils ont fait la mise à jour là parce qu'ils étaient obligés de la faire parce que sinon, ils ne pouvaient pas continuer à vendre des ordinateurs de 2009. Là, c'était plus... Il y a des Mac qui torchent les Mac Pro solidement sur beaucoup d'affaires. Là, donc, écoute, c'est même upgrader, c'est comme pas un achat recommandé. Ah non, je sais même... C'est ça, je comprends pas. T'sais, en plus que même ils affichent. Oui, parce qu'ils vendent encore, mais t'sais, afficher ça. T'sais, la personne va voir. Je voudrais un Mac Pro. Moi, être le vendeur, je vais être vous certain. Je dirais, je sais pas. Là, moi, achetez-vous le MacBook Pro 15 pouces, là, puis boostez-le au bout. Là, puis vous allez voir que ça va être aussi mieux que le Mac Pro là, sur certaines applications. Là. Mais c'est pas exagéré, le iMac peut accoter iMac, un peu ouais. sur certains trucs là, mais pas le reste. Et finalement, en fait, là, ce qu'ils ont annoncé, puis on le sent de plus en plus là, c'est Apple est une compagnie d'appareils mobiles, que ce soit des portables, mais surtout des téléphones et des iPads, c'est ça qui leur rapporte leur cash. Ben ouais. Donc c'est iOS 6 qui a été annoncé. Il y a 345 millions d'appareils iOS dans le monde. Ils se sont permis, en fait, de faire une petite rigolade à la fragmentation de Android, qui a quoi? Je pense qu'il disait 4 % ou en tout cas, je me souviens plus le pourcentage. C'est 4 % d'Android Ice Cream Sandwich qui est installé sur les téléphones. C'est une joke. C'est pas terrible, là. Je m'excuse. Là. Google va annoncer cet été... Baklava 5. C'est Baklava. Je sais pas. C'est pas ça, mais ça doit être ça. Ça doit être une affaire de crème glacée. Jelly Bean. Trottoir aux framboises. Ouais, trottoir aux framboises. C'est Jelly Bean. Ils vont l'annoncer cet été en Android 5 parce que tu as 7% de tes téléphones existants qui ont juste la dernière version. Ouais. Pourquoi tu vas annoncer un nouveau système d'exploitation que. À part le Galaxy S3 qu'il va pouvoir avoir, mais ça, c'est une autre affaire, là. tu sais, je veux dire, c'est des comp, c'est pas Google là, qui envoie les mises à jour là, c'est ton fournisseur téléphonique qui t'est ship là, qui t'est pousse là. Fait que à moins que tu routes ton téléphone, mais bon, fait que ça c'est un peu poche là, mais bon. Hey, tu sais, l'année passée, en présentant Ice Cream Sandwich, ils ont dit avec cet OS-là, ce qu'on veut faire, c'est diminuer la fragmentation, puis elle a augmenté. Ben, c'est quand ça, exactement. Quand tu dis qu'on est sur 7 % ou 4 % des téléphones, 3, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réussi en quelque part. Il y a quelqu'un que tu n'as pas convaincu. Puis, tu sais, les fabricants sont morts de rire, mais moi je trouve ça assez décevant pour l'utilisateur. Oui, on a dit au début du show qu'il y a des fonctionnalités du iOS 6 qui ne fonctionnaient pas sur le iPhone 3GS, mais c'est un téléphone d'il y a 3 ans, tu sais. Fait que, mais c'est seulement des fonctionnalités. Il y a d'autres choses qui vont fonctionner, puis tu sais, c'est encore supporté parce que c'est encore vendu. On peut chialer sur Apple parce que si on chiale, peut-être qu'ils vont améliorer les choses. Ce qui serait une bonne chose. Puis, mais en tout cas, je sais pas. Là, les gens vont être obligés de router leur téléphone, vont être obligés d'installer eux-mêmes les logiciels dedans. Probablement que tu n'as plus de support quand tu fais ça, mais ça, je peux me tromper. On est en train de bâcher Android, l'autre qui arrive. Dean qui arrive, bon. Dean qui arrive. Juste au bon moment. Juste au bon moment. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie joke, là. Je m'excuse, là, mais bon, c'est pas... Moi, je serais pas effectivement très content. C'est sûr que je me tiens à jour, puis tout le kit. Puis bon, si je l'ai pas le 4, ben je vends mon Android de 2.3, puis je me l'achète. Là, c'est mais sûr. Je ne suis pas super content de pas pouvoir le mettre à jour. Puis je trouve que la revente, c'est moyen aussi. Au niveau de Maps, on a parlé un petit peu aussi au début du show. Donc, Google Maps qui s'en va. Moi, je suis pas très content de perdre Street View, honnêtement. C'est une fonctionnalité que j'utilisais. C'est une fonctionnalité qui était assez épatante sur l'appareil. Puis ça te permettait de voir où tu t'en allais dans la vie. Donc ça, je suis pas sûr. C'est un peu plate. C'est vrai, j'avais pas pensé à Street View. On perd Street View, là. Oui. C'est une première version de l'application, fait que c'est normal. By the way, si vous regardez l'icône. Ouais. J'ai fait remarquer ça à Jean-François. Moi, je l'ai lu sur un truc. Ouais, si vous regardez aussi l'icône de Maps, sur l'icône, il vous donne comme un chemin à suivre. Et le chemin, c'est l'autoroute qui passe devant le One Infinity Loop. Et ce chemin-là, en fait, si vous le suivez, ben l'autoroute qui part en bas et qui monte en haut, elle fait tout droit et elle passe par-dessus une autre autoroute. Mais le chemin bleu qu'il vous donne, ben, si vous le suivez dans la vraie vie, vous vous pitchez en bas de la queue, du viaduc. Fait que Apple vous encourage à vous suicider. Voilà. Ouais, exactement. Devant leur building à eux. Voilà. Fait que, non, mais c'est vrai. Ça serait drôle, tu vois une gang, tu te guires d'un auto, puis tu le fais, tu sais, puis tu dis, j'ai suivi le chemin sur l'icône, tu sais. Hé, Siri me l'a dit. Hé, fallait que je tourne à gauche. Fallait que je tourne à gauche. Mais je pense que ça va être corrigé dans la prochaine version. Ça devrait probablement qu'il y ait quelqu'un qui va faire un loop là-dessus ou quelque chose. Le iSuicide, oui, exactement. Ils vont l'appeler de même la prochaine version. la nouvelle fonctionnalité Turn by Turn, je pense que ça ne fonctionne pas encore au Canada avec la voix. Ça devrait être mis dans une des prochaines bêtas, j'imagine. Navigation flyover. À premier abord, c'est cute, c'est le fun, mais rapidement, là, ça devient un peu désuet et c'est très lent, mais ça, on va laisser à Apple. Si la version, quand elle sort en automne, c'est aussi lent que ça, je serais vraiment pas content. Là, non, c'est comme... J'ai vraiment perdu au change d'utiliser l'application Map, puis je vais être bien content d'avoir acheté Navigon ou un autre. Ça marche juste dans certaines villes, puis ça marcherait à Montréal? Oui, ben parce que la compagnie... Ouais, Montréal fait partie des douzaines de villes, comme j'ai dit tantôt. J'espère. En fait, je vais les énumérer tout de suite, là. Mais il y a Montréal, Chicago, Copenhague, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Sacramento, San Francisco, Seattle et Sydney. Donc, c'est juste... Et puis, le tour... Le, pas Cupertino en tout, mais le QG d'Apple alentour, là, les environs. Là. Mais Paris n'est pas en 3D. Je n'étais pas allé voir à Paris. Parce que, oui, parce que Montréal, il est là-dedans, parce que la compagnie qu'Apple a achetée, c'était une compagnie québécoise. Là. C'est une compagnie de Québec. De c'est Québec. Même pas une compagnie de Montréal, ouais, il me semble. Mais en tout cas, whatever, mais au moins, c'est pas pire, parce que il aurait pu pas la mettre pas en toute Montréal, là, tu sais, on est hot, là, mais je veux dire, pas comme les grandes villes, là. Puis... Surtout de ce temps-ci, on est moins hot, là, mais bon. Ouais. C'est un autre puis, une autre fonctionnalité, il y a Siri. Bon, Siri qui a été améliorée, selon Apple, sur plusieurs aspects. D'abord, dans le rajout des langues, et oui, le français canadien... le français canadien a été rajouté. C'est drôle, il y a une couple de jours, moi, je me souviens plus où est-ce que j'étais exactement. Je ne sais pas si c'est pas un party ou quelque chose comme ça. Puis il y a une fille qui se présente, puis blablabla, on jase, qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi, pour Mac, puis tout ça. Puis la fille s'avère être une, je pense que c'est une comédienne ou quelque chose comme ça. Puis elle dit, je suis allé faire des voix, tu sais, pour un truc qui s'appelle Siri, puis tout ça. J'étais comme, de quoi tu parles? Puis je pense que la fille, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas vraiment en parler, puis elle a été comme nébuleuse, tu sais. C'était qui? Puis c'était elle passait qui, à d'autres choses, je me souviens plus. C'est qui? Mais elle faisait pas des voix pour que sa voix soit prise pour Siri. Je pense qu'elle faisait des tests pour que Siri catche la voix québécoise. Fait qu'il faisait dire des affaires avec une tournure, puis avec une patate dans la bouche à la québécoise, ce qui fait que maintenant, il ne comprend pas tout, mais je suis capable de lui parler sans avoir besoin de changer mon accent. Là. Je suis capable de téléphone à telle personne ou ouvrir telle affaire. Il y a encore pas mal de bugs là-dedans. Je pourrais, par exemple, je pourrais dire « Fais FaceTime ma mère » ou « FaceTime, bon, FaceTime ma mère ». Puis là, il dit « OK, qu'est-ce que tu veux? À quel numéro? C'est un numéro de téléphone, c'est son adresse email que tu veux FaceTimer? » Et quand je clique dessus, parce que si j'y dis, ça marche pas. Puis en fait, quand je clique dessus, ça marche pas plus, ça replante ou il reprend la question. Fait que ça, il est un peu tout croche pour ça. Tu lui demandes de trouver un cinéma, il trouve les films que tu peux écouter pas loin. Il est comme un peu perdu, mais bon, jusqu'en automne, c'est encore en bêta. Une fois que ça va être sorti au tabarouette, je vais gueuler. T'sais. À un moment donné, là, il y a eu des poursuites ailleurs dans le monde. Ouais. J'ai pas checké ça, mais le gars là, de Montréal qu'on avait parlé, là, qui poursuivait Apple, là. Je me souviens plus, c'était qui? C'était quelle cause, ça? Je sais pas. Ouais, le gars est disparu. Ça doit être ça. Il s'est fait ramasser par une vanne noire. Le Apple Team, c'est ça. C'est ça. The Apple Team, ils sont venus l'enlever avec leur truc noir. Là. Okay. C'est assez intéressant. J'ai pas encore réussi à faire apparaître un restaurant avec Yelp. Je pense que c'est pas plugué ici. Pour ce qui est des films, ça marche bien. Pour ce qui est des scores, j'ai rien été capable de sortir de là. J'ai juste dit NHL ou LNH ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu l'as essayé en anglais? Ah non, je ne l'ai pas essayé en anglais. Parce que moi, j'ai vu que sur iPhone, incanada.ca, on fait le test du NHL. Ils ont demandé who wins the Stanley Cup, OK? Donc là, Siri Rogers a dit, OK, c'était les Kings de Los Angeles. Il est apparu les Kings de Los Angeles. Fait que... C'est ça. Ça veut dire que la base de données est pluggée, mais il manque encore des bouts puis des modules pour le français canadien. Probablement que c'est ça. Ça doit être ça. D'autres choses, les fonctionnalités, c'est écrit dans les notes que les fonctionnalités de géolocalisation sont disponibles uniquement aux États-Unis, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y en a quelques-unes ici. Certaines. Tout à l'heure, j'ai oublié, je veux revenir parce que ces deux fonctionnalités qu'on n'a pas beaucoup entendu parler sont affichées, on a le droit d'en parler, mais en fait, c'est pour iOS 6. C'est les applications Find My Phone et Find My Friends. Il y a des améliorations. Le téléphone dans Find My Phone peut être mis en mode perdu, en mode lost. Et à ce moment-là, c'est pas juste le point que tu vas avoir l'itinéraire du téléphone, où est-ce qu'il est allé, où est-ce qu'il a arrêté, tout ça. Fait que ça ne dit rien à la personne à l'autre bout, mais toi, tu es en train de traquer ton téléphone. Et c'est pratique, ça, parce que quand tu arrives à la police où tu n'es pas nécessairement toujours en train de noter où la personne est passée, mais là, automatiquement, ton téléphone enregistre où la personne est passée. Fait que tu sais, si ton téléphone, je sais pas, pour X raisons, le policier, ça prend 24 heures avant qu'il puisse avoir un mandat puis aller chez quelqu'un chercher le téléphone ou peu importe, ben là, tu pourrais voir que l'itinéraire, le gars est parti à tel endroit puis il est toujours revenu, dans la journée, il est revenu 5 fois au même endroit, donc c'est probablement chez eux. Mm-hmm. Ben c'est bien plus facile à retrouver que si tu vas juste un point puis tu dis, ben il me semble qu'il est allé là 2-3 fois. Là, tu vois vraiment des pointillés sur la carte. Il y a une espèce de pin qui est mis là parce qu'il est resté un certain temps. Ensuite, il y a un autre, il y a des petits points qui apparaissent sur la carte encore. Donc, c'est sûr que c'est pratique. Puis en plus, maintenant, tu peux ajouter aussi ton nom puis le numéro à contacter, que même si l'iPhone est barré, il clique sur ce téléphone-là puis t'appelle avec l'iPhone. Donc, tu peux pas appeler avec plein de numéros de téléphone parce que... Tu peux appeler juste le numéro qui est donné. C'est ça, exactement. Ding, il y en a sorti une bonne. Là. Ça serait fun d'enregistrer aussi sa face. Tu prends une photo de la personne qui l'a, tu sais. Qui a le téléphone et qui l'envoie, effectivement. Ouais. Avec le gyroscope, peut-être, là, tu sais, qui pourrait, ou dans le téléphone, dès qu'il est en mode lost, ben tout ce qu'il va utiliser, qui utilise la caméra, ben ça va le prendre et ça va l'envoyer à une adresse. Mais ce qu'on sait, c'est que Apple fait pas grand-chose au niveau de leurs appareils qui sont perdus ou volés. Ils n'ont pas vraiment une conscience de ça. Ils n'ont pas vraiment une motivation à trouver ça. Fait que... Je comprends pas, là. Ben, ils cherchent pas à... Apple, ils n'ont pas de base de données. Tu ne peux pas appeler Apple et dire « Mon ordinateur a été volé, voici le numéro de série. » Tu comprends-tu? Ouais. Ils font pas de base de données pour ça. Ils n'essayent pas. Il y en a des logiciels qui existent depuis des années, LoJack ou des trucs comme ça, pour prendre la caméra de ton ordinateur, enregistrer tout ça. Mais Apple n'intègre pas ces fonctionnalités-là au système, alors qu'il pourrait très bien le Mais le pire dans tout ça... C'est, mettons que tu perds ton téléphone, là, OK? C'est ton fournisseur de cellulaire qui devrait... Tu sais, mettons, quand t'appelles chez Rogers ou Fido de ces personnes-là, là, dis « J'ai perdu mon téléphone, là. » Ouais. Ça sert à rien. Non. Ben, c'est-à-dire que... Ça sert à rien, Alexis, parce que, mettons, toi, t'es le voleur qui a volé mon téléphone. T'appelles chez Rogers. « Hey, je viens de m'acheter un téléphone, je voudrais le faire activer. » Asti, ils vont te l'activer. Ouais. Ça, c'est écœurant, là. Ben c'est ça, ils ont pas de base de données avec les numéros de série. Ben mets pas l'option dans ton système téléphonique que j'ai volé, que mon téléphone a été volé si tu gardes pas de base de données là. Parce que ouais, Dean, il nous dit qu'il blacklist les UDID. Si tu le fais, si t'appelles puis que tu dis que ton appareil a été volé, ils vont blacklister ton UDID. C'est sûr que si le gars il a appelé avant toi. Puis qui a activé le téléphone, ben il y a un téléphone activé pendant un certain temps. Mais si toi, tu as fait la job de téléphoner là-bas, c'est l'autre code, là, mais c'est le IMEI. C'est ça. Puis en plus, c'est comme tu dis, puis même si tu leur dis qu'il a été volé, ils vont te transférer au ventre parce qu'il faut que tu en ailles un autre. Fait que c'est ça qui est con. Ils devraient mettre des lois là-dessus, je m'excuse, mais. C'est comme, en tout cas, moi, là-dessus, je suis pas d'accord, ben pas en tout. C'est sûr que ça fait faire de l'argent aux compagnies. Ça peut les protéger en même temps. Ça peut les protéger des lois, parce que si jamais ils disent à quelqu'un, je sais pas, dans le système, il y a un fuck, puis ils disent, ah ben oui, c'est quelqu'un qui a appelé pour tel numéro de série, toi, tu l'as volé, mais finalement, c'est pas vrai du tout, tu peux t'exposer à des poursuites. Tandis que là, tu fais juste dire, je m'en fous complètement, puis... je m'en fous complètement, je m'occupe pas rien, puis débrouillez-vous, puis... Dans le fond, toi, tu t'appelles tes assurances, tu dis « je me suis fait voler », puis « OK, c'est bon », ils te donnent un chèque, puis tu t'en vas t'acheter un autre. Fait que, tu sais, eux, ils font gagnant-gagnant. Ouais. Ben, moi, des lois pour protéger les gens de perdre puis de se faire voler son truc de cellulaire, là, je veux dire, en tout cas, il y en aurait long à dire, puis on sortirait des discussions à Apple, là, mais... tu sais, les régularisations des entreprises sont supposées se faire tout seules, là, d'après les gens qui pensent de droite. Fait que rajouter des lois pour contrôler ces compagnies-là, ça se fait pas, ça marche pas, là. T'sais, c'est le gouvernement qui va dire aux compagnies comment fonctionner. Tu peux pas faire ça, là. T'sais, en plus... tu peux le faire, là, mais parce qu'ils scrapent l'environnement ou des trucs comme ça. Ouais. Pas parce que, t'sais, leur produit, tout le monde le veut, fait que le monde s'envole. T'sais, même moi, j'appellerais même pas mes assurances de la maison si, mettons, je perdrais mon téléphone, là. T'sais, c'est comme... je perdrais pas mon déductible pour un téléphone qui vaut 600$. Non, c'est sûr. C'est pas... Si on continue, moi, une des fonctionnalités que je suis super content qu'il ait mis, c'est FaceTime over Cellular. Ouais, pour toi, oui, mais pas pour nous autres. Ouais, c'est ça. Ben là, les gars, vous allez changer de téléphone éventuellement, puis vous allez l'avoir. Je fais pas un show juste pour moi ou juste parce que, tu sais, contre vous autres, là, cette fonctionnalité-là est là. Je peux en profiter, je l'ai utilisé et ça rend FaceTime beaucoup plus intéressant parce que il y a une des deux personnes ou éventuellement les deux personnes qui seront pas obligées d'être dans un endroit fermé. Tu sais, je veux dire, j'essayais d'appeler quelqu'un, ça marchait jamais si cette personne-là était jamais chez eux ou dans un réseau sans fil. Là, je vais essayer de l'appeler, la communication va passer éventuellement. Fait que ça va. Mais là, tu seras plus genre, j'espère que tu vas être dans un réseau Wi-Fi, ça va être, j'espère que tu as un iPhone 4S ou un nouvel iPad. Ça va plus être ça. C'est-à-dire pour la prochaine année et demie, deux ans, mais éventuellement, l'option est là. En deux ans, ça va être là. Il fallait qu'ils le fassent à un moment donné, puis ils ont décidé de le faire là, puis ça va être là. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire tu pouvais le faire avec Skype, sauf que c'est pas tout le monde qui avait Skype d'ouvert en tout temps sur leur téléphone. Fait que moi, je suis vraiment content de cette fonctionnalité. Moi, j'ai une question, par exemple. Ouais. Mettons que toi, avec ton 4S, avec iOS 6, t'appelles quelqu'un qui est chez eux. Sur le Wi-Fi, mais avec iOS 5. Non, t'as plus pas ça que m'est venu dans la tête. Il n'y aura pas de problème, ça. Ça va fonctionner, ça. Ouais, mais en tout cas, je me semble que j'avais pensé à un autre problème. Si l'autre personne n'est pas avec iOS 6, ça n'a pas son FaceTime over cellular. Fait que ça marche pas, là. Ça marchera pas? Non. OK, c'est bon. C'est pas parce que toi, tu l'as que tu contamines quelqu'un d'autre. Non, mais tu. Donc, intégration de Facebook dans l'OS, c'est vraiment utile, comme j'ai dit. Puis c'est cool parce que dans le calendrier, il va rajouter les fêtes, mais il va te mettre un petit... Ah, puis l'intégration de Facebook, quand tu dis oui à un événement dans Facebook, il va aller le rajouter dans ton iCal, qui s'appelle plus iCal, qui s'appelle Calendar maintenant. Mm-hmm. Mais comme il est linké à ton compte Facebook, il peut aller chercher ces informations-là. Fait que ça, moi, je trouve ça assez cute. Il faut dire aussi que l'intégration de Facebook est plus prononcée dans iOS 6 que dans Mountain Lion. Oui, effectivement. Il y a plus de fonctions. Vas-y. Oui, c'est ça. Il y a plus de fonctions qui ont été développées pour iOS 6 que le nouveau Mountain Lion avec l'intégration. Là. Fait que... Je sais pas si ça va faire que Facebook va faire une meilleure application pour iOS parce que c'est terrible, là. C'est horrible. Terrible, cette application-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est un flop monumental, cette application-là. Là. L'application Facebook? Ah oui. Moi, je la trouve bien buggée, mais elle, visuellement, elle est super belle. La petite colonne, puis tout. Développement, c'est sûr. Et des fois, tu te retrouves tellement loin, tu es obligé de revenir pendant 45 minutes sur la petite flèche pour revenir à ton truc de départ. Ah, ouais. Ça pourrait être mieux que ça. Là. Tu te rends compte que l'application elle vieillotte un peu. Dans Mail, j'ai pas trouvé ça facile jouer avec la section VIP. Faut que tu ailles dans le dossier VIP. faut que tu rajoutes les gens que tu veux. C'est comme une deuxième liste de favoris, ouais. si je ne me trompe pas. Le pull to refresh, donc une fonctionnalité qu'on a dans Tweetbot ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le bouton, il y a une déformation à la horloge de Dali, là. Il coule, ouais. Il devient une espèce de bouton. Ça fait comme une goutte d'eau. Ouais, comme une bubble gum ou une goutte d'eau, effectivement. Mm. Non, mais vraiment, c'est cute, le petit voilà. Refresh qu'ils ont fait. Mais à part ça, dans Mail, à part le flag... La possibilité, en fait, quand tu es dans Mail, de dire « Ah, je vais rajouter une photo ou une vidéo. » Tu sais, moi, ça m'arrive de dire « Ah, je vais envoyer ça à ma mère. » Puis j'ai le réflexe d'aller tout de suite dans l'application Mail. Tu sais, des photos des enfants ou quelque chose comme ça. J'ai le réflexe d'aller tout de suite dans l'application Mail. Puis là, je fais « Ah non, c'est vrai, il faut que j'aille dans photos, que je sélectionne mes photos et que là, je les envoie par email. » Fait que moi, je suis quand même assez content qu'il y ait cette nouvelle. Oui, parce que là, dans le fond, ce qu'on faisait avant, c'est que tu prends une photo ou une vidéo, puis ensuite, tu y joins du texte pour l'envoyer. Voilà. Maintenant, c'est plus ça, c'est tu crées ton courriel, puis ensuite, tu rajoutes tes photos ou tes vidéos. Fait que ça, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, la fonction, c'est vraiment... Tu fais un double clic comme si tu voulais sélectionner un texte ou copier-coller, mais tu utilises les flèches de droite ou de gauche, puis là, tu prends une image ou une photo, une vidéo ou une photo. Mm. Des améliorations sur Safari. On en a parlé un peu, la nouvelle section signets iCloud qui te permet d'aller récupérer les signets qui étaient sur un autre. Sur un autre appareil. Ah, oh, by the way, on a oublié de parler. Il y a une fonctionnalité dans OS 10, dans Mountain Lion, qui est mis de l'avant, qui est PowerNap. Et une des problématiques qu'il y a avec tout le système de backup avec Time Machine, c'est que les gens, s'ils n'ouvraient pas leur ordinateur une fois rendu chez eux, le backup Time Machine ne se faisait pas, tu sais, parce que ton ordinateur n'était pas ouvert. Bien, quand tu es à la maison et que ton ordinateur est fermé, maintenant avec le PowerNap qui va être disponible seulement sur les MacBook Air de seconde génération et les nouveaux MacBook Pro Retina Display, bien, quand tu vas arriver à la maison, tu vas simplement avoir besoin de plugger ton ordinateur, mais même s'il est fermé, il va continuer à recevoir tes notifications, continuer à recevoir toute ton information et même faire le backup de tes données sur ton Time Machine. Fait que ça, c'est quand même... Parce que tu sais, en plus, c'est quand tu ouvrais ton ordinateur, là, tu vois, comme si tu recevais peut-être 50 courriels dans la même journée, ben, c'est ça, tu recevais tout en même temps, tandis que là, ça va être écrit 50 quand tu vas ouvrir la page. Ce ne sera pas 10, 20, 30, 40, 50, puis tu vas te demander quand ça va arrêter. Là, fait que c'est, effectivement, c'est pratique. Twitter aussi. Mountain Lion avec le centre de notification, c'est sûr que ça va être pratique aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, Ford a sorti une petite application, c'est un aparté, mais Ford a sorti une petite application cette semaine. C'est-à-dire que pour leur nouvelle auto en 2012, ils ont une espèce de porte-clé que tu as dans tes poches, tu approches de ton auto et ton auto se départ parce que tu as le porte-clé dans tes poches. C'est une espèce de transpondeur qui fait « Ah, c'est bien la bonne personne, je vais lui ouvrir la porte ». Et là, ils se sont dit « Comment on pourrait faire la promotion de ce système-là qui a un nom spécifique, là, Free, je ne sais pas quoi, là, whatever ». Puis ils se sont dit « Tiens, on va faire la même chose, mais pour un ordinateur, on va faire une application iPhone ». Et cette application iPhone-là va faire que ça va rentrer tes mots de passe à ta place. Fait que pour l'instant, en fait, ça va rentrer les mots de passe de Facebook, Twitter et Gmail, si je ne me trompe pas. Fait que tu installes une application sur ton ordinateur, tu installes cette application-là sur ton téléphone, et quand ton téléphone rentre dans la pièce, puis que tu t'en vas sur Facebook ou quoi que ce soit, il log automatiquement. Fait que c'est assez cute. Je vais essayer de vous retrouver le nom. Mais c'est assez cute, puis je trouvais ça drôle que ça vienne de... C'est pas si pratique que ça. C'est pas si pratique que ça, parce que si, par exemple, je vais voir ma soeur dans sa chambre, ben là, son compte va embarquer automatiquement sur le mien, si je comprends bien. Non, elle a son ordinateur à elle. Faut que la machine soit identifiée auprès de la... Si elle, elle utilisait cette application-là, ouais. Moi, si j'arrive... Parce que je l'utilise là aussi, le Mac Mini. Mm-hmm. Mais si j'arrive dans la chambre, il va se connecter. Il va-tu fermer sa session, puis il va ouvrir une nouvelle session? Non, c'est vraiment si tu vas sur la. Si elle est sa page Facebook, puis mettons, toi, c'est ton ordinateur, puis tu le setais avec cette application-là. D'abord, tu fais de la mauvaise job de d'administrateur d'ordinateur parce qu'elle devrait avoir son compte, sa session, puis tu devrais avoir la tienne. C'est vraiment quand tu ouvres Safari et tu tapes Facebook.com, ben quand tu arrives sur Facebook.com, au lieu de rentrer ton mot de passe puis ton nom d'utilisateur, c'est le téléphone qui le rentre. Fait que tu n'as pas besoin de demander à l'ordinateur de se souvenir de ça. La clé pour ouvrir ton Facebook, c'est comme ton téléphone. Mm. Fait que, c'est cute. Puis c'est pas la première fois là, qu'il y a une application qui propose ça, là, mais c'est quand même assez cute. Où est-ce qu'on était rendu? Passbook. Oui, Passbook. Une des affaires que j'ai lues, moi, sur Passbook, que je trouvais intéressant, puis vous pouvez peut-être... Le Passbook, c'est en fait toutes les cartes de tu sais, prépayées pour Tim Hortons ou pour Starbucks ou pour quoi que ce soit. Ta carte de gym sur laquelle tu as le droit à un nombre de sessions. Tes billets d'avion, tout ce que tu peux acheter d'électronique, tout ce que tu peux acheter en fait et qui vont te faire une espèce de billet électronique ou qui peuvent très bien le changer en électronique, puis là, ça va être aux compagnies d'embarquer, bien, ils vont te l'envoyer dans Passbook. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, un feature de Passbook, c'est que, mettons que tu achètes des billets de spectacle, OK, puis qui s'en vont dans ton Passbook, mm-hmm. Ben quand tu vas arriver à la salle de spectacle avec ton téléphone, sur ton lock screen, ton billet va apparaître parce qu'il sait que c'est des billets pour là que tu as acheté, puis tu es rendu là à la date du show. Mm-hmm. Fait que ton billet va apparaître directement sur ton lock screen. Tu n'auras même pas besoin d'aller le chercher dans Passbook. Ça va se faire automatiquement. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça... brillant comme façon de le gérer. Là, c'est un peu plate, on ne peut pas l'essayer, il n'y a rien. Non, il n'y a absolument rien, mais c'est ça, il faut que les compagnies le prennent en main, ouais, utilisent l'API qu'Apple... Parce que j'ai lu aussi sur les internets que le monde était déçu, là, parce que à la conférence, quand ils l'ont montré, Passbook, l'application fonctionnait, là. Était fonctionnelle, l'application. Ouais, mais c'est comme... Écoute, c'est encore une fois, c'est un peu comme un... C'est comme un newsstand, là. Personne n'a pu l'utiliser avant qu'il sorte officiellement par les développeurs. Moi, je vais pouvoir l'utiliser parce que si je crée une application pour ça, là. Donc, si je décide de créer une application Passbook, là, on va pouvoir l'essayer. Puis si je vous envoie la bêta, vous allez pouvoir l'essayer. Mais autrement, comme newsstand... C'est pas une catégorie, là. C'est quelque chose de plus... C'est maintenant rendu différemment. C'est fait différemment, mais si on grossit ça un peu, c'est une catégorie, encore une fois. Puis comme cette catégorie-là n'est pas ouverte sur l'App Store, on va attendre que ça soit présenté officiellement avec probablement le nouveau iPhone en octobre. Qu'est-ce qu'on a d'autre, en fait? FaceTime, si on l'a vu. Ben, est-ce que on peut parler de l'application téléphone qui a été mise à jour? Ah, c'est cute, ça, oui. C'est cute, oui, mais ça m'a coûté 15 cents cette semaine. Comment ça? Parce que les messages que tu envoies, là, ouais, c'est des messages textes. Tu l'as envoyé vers un téléphone, vers un téléphone de maison. Ça ne fonctionne juste qu'avec des messages textes. OK. Pourquoi ça t'a coûté 15 cents? Ben, parce que... C'est parce que ça coûte de l'argent envoyer un message texte à un téléphone fixe. Oui. Depuis quand? Depuis toujours. Ça a toujours existé. Fait que si t'as un texto vocal, exactement. Si t'envoies un texto à ton téléphone chez vous, qui est filaire, ça va te coûter de l'argent. Fait que cette fonction-là ne fonctionne que si vous êtes sur cellulaire. Fait que... C'est une bonne chose de vérifier. Moi, ce que je trouvais plus intéressant, parce que je ferais pas ça, le répondre. Puis je veux savoir, est-ce que les réponses préfaites, si ton téléphone est en français, sont en français ou c'est les réponses en anglais? J'ai pas pu le tester. J'ai pas pu essayer. OK. Parce que ça serait intéressant à savoir. Pas, ben, tu viens de dire que tu l'avais essayé? Tu viens pas d'essayer? Je l'ai essayé. J'ai iOS 6 sur mon iPad, moi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, Jeff, c'est une réponse en français ou en anglais que tu as envoyé? Je ne l'ai pas envoyé parce que sinon, ça ne me tentait pas d'un coup. Je n'ai jamais fait ça. Non, ça mais elle apparaissait sur ton téléphone. Là. Elle était en français ou elle était en anglais? C'est toi qui choisissais. Tu choisis français okay, ou en anglais. Français. Ah, OK, bon. Fait qu'il y a français. Okay, okay. Tu pouvais l'envoyer en français. Ouais. Mais moi, je trouve pas que c'est ce panneau-là d'envoyer des messages automatiquement qui est intéressant. Je trouve que c'est l'autre qui est intéressant. Puis pendant la présentation, la fonctionnalité qui était que Scott Forstall a dit qui était la plus intéressante, c'était de dire « rappelle-moi », tu dis au téléphone « rappelle-moi de rappeler cette personne-là quand je m'en vais ». Mm-hmm. Et ce que ça fait, c'est que ça fait un avertissement géolocalisé, géofencé, ou jardineau. Je me souviens plus, j'avais trouvé un nom, là, une espèce de néologisme là, bizarre. Mais c'est-à-dire que ça fait une clôture virtuelle autour de toi. Et quand tu sors de cette clôture-là, mais le téléphone te dit hey, t'es parti, donc téléphone à cette personne-là. Fait que c'est si, mettons, elle n'a pas laissé de message ou quoi que ce soit, tu peux te dire de faire ça. Ouais, si t'es en meeting, tu peux pas répondre, c'est pratique parce que justement, tu quittes l'endroit, il t'avertit, hey, oublie pas de. Fait que là, je sais pas, c'est ta femme qui t'appelle, puis là, ben oui, oublie pas de chercher du lait, ben tu vas pouvoir chercher du lait finalement, tu l'oublieras pas. C'est ça. Mais peut-être mieux de t'envoyer un SMS tant qu'à ça. Sinon, en fait, peut-être la dernière fonction qui est peut-être intéressante pour... en fait, Apple le présente pour des enfants en difficulté d'apprentissage. Mais je pense que c'est pour tous les enfants, tu sais. Moi, mon gars, quand il joue avec les appareils iOS, il sait très bien que le bouton « Home » pour sortir de l'application puis pour aller ailleurs. Même si papa il a dit tu joues avec des casse-têtes, si lui il va aller voir des annonces de jouets de Cars ou whatever, il va y aller sur YouTube puis il va aller les voir ces annonces. Fait que Guided Access, c'est une façon de bloquer l'appareil en mode démonstration que tu es pogné dans l'application. Fait que c'est simple pour le parent à mettre en place. Tu appuies trois fois sur le bouton Home puis là tu es dans le Guided Access. Fait que t'es à l'intérieur de ça. C'est super intéressant pour des enfants autistiques ou des gens en trouble d'apprentissage à qui t'aimerais. Bon, ben là, on se concentre puis on utilise vraiment le iPad comme appareil d'apprentissage. Fait que tu sors pas, tu sais, tu t'en vas pas d'une place à l'autre parce que le jeu t'énerve. Tu restes là-dedans puis tu me dis... C'est quoi cette couleur-là, puis c'est quoi cette forme-là, puis ça, c'est... Fait que ça, c'était quand même intéressant. Ah, le photosum sharing! Ils l'ont dit un peu, c'est comme... Ils l'ont dit un peu, c'est comme une école, là, puis ça va vraiment apporter, parce que c'était le problème majeur. Une classe qui veut utiliser l'iPad pour faire répondre à des questions pour un examen ou peu importe, là, ils vont pouvoir le faire, parce que là... le jeune ne sera pas, il va cliquer sur le bouton deux fois, aller sur Safari, chercher une réponse, puis revenir tout de suite. Si le prof, il ne le remarque pas, là, tous les téléphones vont être coincés au même endroit. Fait que ça va être pratique. Oui, tu disais, tu allais dire GF, qui est là pour le photo stream. Il va mettre ses écouteurs. Excusez. Allait dire pour le photo stream, Jeff? Ouais, parce que Patrick Duchamp dans le chat, il demande de où est le photo stream. Photo stream, il faut aller dans photo, il faut aller dans photo stream et dans edit, vous choisissez, mettons, une photo quelconque et vous appuyez sur l'onglet sharing et ça va être marqué photo stream. Vous appuyez là-dessus. Et... C'est ça, c'est pas clair parce que t'es comme dans l'onglet photo stream. Ouais. Puis là, quand tu cliques sur sharing, faut que tu recliques sur un truc qui s'appelle PhotoStream. C'est pas clean comme manière de faire. Ouais. Mais quand tu cliques sur PhotoStream, là, il te met un petit badge dans lequel tu peux écrire le nom de la personne avec qui tu veux sharer, sur quel réseau, là, si tu veux, là, sur quel... c'est sur son Apple ID, son téléphone ou whatever. Puis nous autres, on l'a testé hier avec une photo et avec plusieurs photos. Puis ce qui est fun, c'est qu'une fois que tu as ouvert un photo stream avec cette personne-là, tu peux rajouter des photos dedans, puis elle va les recevoir. Fait que ça fait vraiment comme un album. Tu peux même mettre des commentaires sur les photos. Oui, effectivement. Il y a des commentaires. Fait que ça s'envoie un peu comme un message. Puis tu as ces photos-là qui sont là. Ben moi, il ne marche pas. Je vais le réessayer. Faudrait vérifier. Sur quel appareil tu l'essayes, Daniel? Si ça marche pas, parce que le Share Photo Stream, c'est supposé être sur toutes les devices. Si tu as un iPhone 3GS, ça ne fonctionnera pas, par exemple. Fait que iPad 3, c'est supposé fonctionner. Hier soir, on l'a essayé, puis que. Fait que ça a fonctionné. Qu'est-ce qu'on. Ouais, aussi, on va finir aussi avec les nouveautés. Le centre de notification aussi a eu le bouton ajouté par Facebook et Twitter directement en train de du centre de notification. Vous pouvez envoyer quelque chose sur votre Facebook et votre Twitter. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre, donc, comme truc. Ouais, ben, peut-être peut-être une mention en fait à donner pour le MacBook Pro Retina Display, c'est que un peu comme quand le iPhone et le iPad sont passés au Retina Display, pour que les applications utilisent au maximum, il faut qu'ils soient mis à jour. Puis c'est quelque chose qui est probablement plus facile à faire sur une application iOS. C'est-à-dire améliorer la qualité des designs qu'il y a là-dedans que sur un Photoshop, tu sais. C'est ça, un truc d'ordinateur. Donc, attendez-vous pas à ce que toutes les applications que vous utilisez soient Retina Display demain matin. Puis la problématique, c'est que l'écran voulant afficher sa résolution native, mais que l'application n'est pas capable, c'est quoi ça? C'est 20. Je vais faire un test. Ouais. Oui, je voulais faire un test, puis parenthèse, là, à cause qu'on parle dans le chat depuis tantôt, là, mais vous l'avez entendu, là, l'alarme fonctionne même si vous êtes dans le Do Not Disturb, là, la fonction. Je l'ai essayé, puis ça fonctionne très bien. Fait que... Ah, OK. Cool. C'est ça. Attends, j'étais dans le document. Non, j'étais ici. Voilà. Fait que c'est ça, les applications ne seront pas tout de suite en Retina Display, puis ils risquent d'avoir des flous dans certaines applications, justement parce que l'ordinateur va vouloir l'afficher en trop bonne, en trop bonne qualité. C'est ça, je me demandais aussi, tu sais, Photoshop ou AutoCAD, là, mettons que la personne travaille sur un Retina Display, là, puis la personne, mettons qu'elle envoie la photo de je sais pas trop quoi à quelqu'un qui est sur un MacBook Pro comme nous autres, qui n'a pas d'écran Retina, la photo ne sera pas belle tout de suite, là. Parce que la personne à l'autre bout... Mais c'est comme si c'est juste une question de résolution. Là, si tu envoies quelque chose de 5 184 000, elle va juste la voir deux fois plus grosse. Elle va la mettre à 50 % puis elle va la voir correcte sur son écran. Là. Ouais. Parce que si toi, tu es sur un iMac puis tu m'envoies une photo de ton iMac, ben, avec ton iMac, oui, la résolution va être plus grande si je suis sur un MacBook Pro 13 pouces, mais au final, ça ne change pas grand-chose. Imagine-toi la grosseur des images qui vont sortir de là. Ouais, ben c'est ça, ça se fait. Ouais, ben en même temps les photos là, qu'on prend avec des appareils, ça monte à presque 3000 pixels là. Mm. 3000 pixels de large là, par exemple, donc. Ouais. La résolution des photos est plus haute que les écrans qu'on a actuellement. Sinon en fait je pense la seule affaire c'est que j'ai vu iPhoto supporter sur l'iPad des photos jusqu'à 100 mégapixels, puis là ils ont fait la mise à jour pour que ça se porte maintenant sur le MacBook Pro Retina Display, là, puis à partir de, j'imagine, pour le Retina Display, supporte aussi le 100 mégapixels. Là, ah, OK. Sinon, des petites choses qu'ils ont rajoutées dont on peut parler, puis qu'on a peut-être oublié, le Offline Reading List. Donc, la fonction Reading List, c'est que si vous trouvez un article intéressant, par exemple, les gens qui ont du Wi-Fi dans un aéroport et qui savent qu'ils n'en auront pas dans l'avion, tu peux browser rapidement, tu regardes tes headlines et ce que tu fais, c'est que tu te rajoutes les articles qui t'intéressent à ton reading list. Moi, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse comme façon de procéder parce que j'utilise des feeds RSS, mais j'imagine que pour monsieur, madame, tout le monde qui s'en va sur La Presse, Le Devoir ou whatever, ben ça peut être intéressant de les rajouter. Puis là, maintenant, ben ils ont rajouté une façon en fait de pouvoir y accéder en fait, de les lire, mais offline. Penses-tu que ça va faire mal à Instant Paper? C'est-à-dire que ça peut peut-être faire découvrir Instant Paper, là, ça coûte 3$. Ouais. Instant Paper a beaucoup plus de fonctionnalités. Tu peux te créer des catégories, tout ça. Bon, mais oui, dans une certaine mesure, la fonction de base de Instant Paper est là. C'est quand même capable de faire beaucoup d'autres choses. Il y a le file management qui a été amélioré, entre autres, en fait, dans une fenêtre de Finder. Si tu vas cliquer sur le titre de la fenêtre, ben tu vas avoir la possibilité de renommer ton document directement de là, ton document ou ton dossier. Fait que ça, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir même l'envoyer dans iCloud à partir de là. Fait que ça, c'est assez intéressant. Le Mac App Store a été amélioré. Il est tout unifié. Puis, tu as les boutons « J'aime » aussi de Facebook qui sont dedans. Il est un peu lent aussi. Ben, sur Mac OS X, je n'ai pas joué dedans, mais sur iOS... Il est pas sur Mac OS X. Ben, l'amélioration, elle n'est pas... Non, elle n'est pas sur iTunes. Ah, OK. C'est seulement sur... juste sur iOS, mais elle est très lente sur iOS. Là. J'espère qu'ils vont la mettre un petit peu plus vite là, dans les prochaines bêta. Là. OK. Oui, hey, j'ai trouvé quelque chose aussi, c'est vrai. Quoi? Attendez, je vais juste vous couper. Moi, il faut que j'y aille. Il commence à être très tard, puis là, il faut que j'y aille. Donc, continuez à parler, là, mais il faut que je quitte là, en ce moment. Toi qui dors pas? Oui, c'est ça. J'ai besoin de dormir une heure là, pour les 24 prochaines heures. Ah. J'ai laissé des informations pour le concours là, à droite. Donc, fait, vous pourrez. Ben, il y a trois. J'en ai vu un, là, mais il y a trois gagnants. C'est pour avoir trois gagnants. Fait que... OK, je vais en choisir un. OK. Fait que, bye bye tout le monde. Bye bye, Sam. Salut bien. Bonne nuit. Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, dans le nouveau App Store du iOS 6, j'ai fait des mises à jour de logiciels aujourd'hui, d'applications. Ouais. Et je n'ai pas été obligé de rentrer mon mot de passe. Ah, peut-être qu'ils ont ouvert la session pour un peu plus longtemps à ce moment-là. Non, mais... Deux, trois heures de différence? Oui. Fait que d'après moi, ils ont peut-être enlevé cette fonctionnalité-là parce que c'est vraiment con, là, je m'excuse, là, mais c'est une mise à jour de logiciel. T'as pas besoin de rentrer ton mot de passe. C'est pas comme si tu l'achetais, là, tu l'as déjà acheté, cette application-là. Là. Fait que quand j'ai vu ça, il était temps. Moi, j'ai trouvé ça super. Là. J'ai comme... T'as juste besoin de peser sur mise à jour, puis ça part tout seul, puis merci, bonsoir, là. Oui, mais si quelqu'un trouve ton téléphone, il va pouvoir acheter. Ah non, non, c'est non, non. C'est le mot de passe pour les mises à jour. Oui. Si, mettons, tu achètes, j'ai fait le test après. Si tu achètes, mais j'ai pris une application gratis. Là. Si tu achètes, là, il te demande ton mot de passe. Ah, OK, c'est cool. Oui. OK. On nous demande, puis on répond à des questions, là, mais c'est surtout des questions sur le WDC. Est-ce qu'on va retourner à Sherbrooke pour un prochain événement? Si on considère la connexion 3G qu'il y a à Sherbrooke, non. Si on considère l'hospitalité de M. Ducharme, la gentillesse avec laquelle lui et sa tendre moitié nous ont reçus, c'est sûr qu'on va y retourner. Ouais. Ça a été vraiment très agréable. C'est sûr que Patrick, il a fallu qu'il prenne le beat, de prendre la parole, de parler. Ça allait très vite, mais je pense qu'il y a eu du fun, nous autres aussi. Et on a très bien mangé. On le remercie beaucoup, d'ailleurs, de l'accueil. Ouais. On lui souhaite bonne chance avec le nouveau petit bébé. Qui est en route bientôt. Qui est en route. Maintenant, ils ont jumelé l'Apple ID puis le numéro de téléphone pour FaceTime comme iMessage. Est-ce problématique si j'utilise le même Apple ID sur mon iPhone 4 et sur celui de ma blonde? Oui, c'est une maîtresse. Parce qu'elle va te faire un FaceTime, elle va apparaître sur le téléphone de ta blonde en petit dessous, affriolant. Donc, moi, personnellement, je garderais mes affaires sur mon appareil. Puis, chacun leur patente. Je comprends, par exemple, pourquoi on utilise le même Apple ID, sauf que, un peu comme ce qu'on fait à Mac Québec, vous pourriez avoir un Apple ID qui est pour les applications, OK? Mm-hmm. Mettons, le tien, dude, puis ta blonde, elle a son Apple ID. Toi, quand tu communiques avec elle, ben tu l'appelles via son Apple ID. Sauf que elle, quand elle se connecte au Apple Store, elle se connecte avec ton Apple ID à toi. Comme ça, elle peut vider ta carte de crédit. Puis elle a en fait tes mêmes applications. Fait que c'est peut-être plus intéressant de cette façon-là. Ah, c'est le fun, ça. Quoi? Ben, on peut plus prendre les affaires. Je peux plus prendre les affaires sur le côté. Puis, Non, attends, je vais essayer. Je pense que vu que c'est Vincent qui est. Ah non, OK, c'est dans le chat. OK. Je le tirage. Ouais, je suis en train de faire ça, là. Fait que meuble un peu, on finit après. Ça. Je ne sais pas s'il est avec nous. Est-ce que Nicolas Gosselin est dans la place? Nicolas Gosselin, une fois. Est-ce que c'est Sup User? Je ne sais pas si c'est lui. Oui, c'est lui. Nicolas Gosselin, tu te mérites le Diablo 3. Eh oui. Donc, si tu peux me faire parvenir ton adresse email, je vais la refiler au contact qu'on a chez Blizzard et il va te faire parvenir. Je pense que c'est une version téléchargeable, mais il va te faire parvenir une version de Diablo 3. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Deuxième, c'est Hugo Girard. Le deuxième, c'est Hugo Girard. Où est-ce que tu le vois, ça? C'est moi qui est en train de le faire. Ah, OK, sur OK. Sur le site, okay. Fait que moi, je te dis les personnes. OK. OK, fait que il nous a donné le lien, on clique dessus. Ouais, les noms sont pas dedans. Je suis en train de le faire sur ma page à moi. Ah, OK, OK. Donc, première personne, Je suis en train de démarquer. Parfait. Fait que Nicolas Gosselin à qui a envoyé le Diablo. Les deux autres, qui c'est qu'on a? Hugo Girard. En numéro 2. Nous autres, on connaît ça, la rénovation. Ouais. Mais c'est pas le même. C'est un autre. Fait que Hugo Girard qui se mérite en fait un des deux supports. Il y avait quelque chose pour un iPad puis quelque chose pour les iPhones, hein, je pense. Ou c'était deux affaires pour. C'était quoi donc? C'était un sleeve stand puis un space mount. Oui, c'est ça. Donc j'avais dit à ma blonde que j'allais le gagner en plus, hey, Monsieur Prémonitoire. Tu vas nous dire ce que tu penses des prochaines annonces d'Apple, si tu es capable de caler les shots comme ça. Donc, la deuxième personne, en fait, on va lui donner le choix d'un des deux prix. Il y a un truc qui est une espèce de mount. Je pense que c'est pour la voiture, pour les téléphones mobiles. Puis l'autre affaire, c'est pour le iPad. Donc, tu disais que c'était Hugo Girard. Est-ce qu'il est dans la place? Je ne l'ai pas vu. OK. On va communiquer avec eux autres. Et la troisième personne, c'est Sébastien Leclerc-Lavallée. Seb Leclerc-Lavallée. Fait qu'on va rentrer en contact avec ces gens-là. On va d'abord vérifier si les réponses sont bonnes. T'as-tu checké ça? Non, tu peux pas. Tu peux pas checker. Fait qu'on va vérifier si les réponses sont bonnes. Attends une minute. Donne-moi les noms. Seb Leclerc-Lavallée. Nicolas Gosselin. Seb Leclerc, il a gagné. Ouais. Nicolas Gosselin, il a gagné. Puis l'autre, c'était Hugo Girard. Oui, puis Hugo Girard s'est même permis de nous dire combien de points par pouce il y avait. Fait que, oui. Fait que les trois ont eu la bonne réponse. Il y a du monde qui n'avait peut-être pas compris la question parce que j'ai reçu des résolutions de iPad ou d'anciens MacBook Pro. Fait que, voilà. Fait que je pense que c'est ce qui va mettre fin au show, parce qu'on a quand même fait 2 heures presque et demie encore de show sur la WWDC. Ouais. J'espère que ça leur a enseigné tout le monde puis qu'on a répondu aux questions de tout le monde. Donc, on va se dire à la semaine, pas la semaine prochaine, non. Dans 2 semaines. Ouais. Je suis en train d'investiguer sur un scoop. On m'a donné une information. De dernière minute? Pas de dernière minute, c'est quelque chose, on m'a dit quelque chose, puis je veux juste comprendre pourquoi c'est comme ça. Il y aurait des écoles, en fait, qui empêcheraient l'acquisition de iPad. Fait que je suis en train d'investiguer, je vais essayer de téléphoner aux personnes responsables, telles un Benoît du Trissac, puis faire « Non, mais qu'est-ce que c'est ça, là? Vous encouragez juste les plateformes Android? Savez-vous que votre matériel va être désuet au bout de tant de temps? » Là, on va me dire, oui, mais chez Apple aussi. Oui, c'est vrai, mais c'est plus beau et c'est plus le fun pendant le temps que, ben oui, c'est ça. Que ça fonctionne. Fait que je vais voir, en fait, je vais investiguer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, j'imagine que d'ici le prochain événement à Apple, on devrait avoir fait l'essai d'une DeLorean électrique avec Onboard Computer. Fait qu'on est en train d'essayer de travailler à ça, ouais, aussi. Fait que plein de belles affaires qui s'en viennent pour le podcast. Et on va juste répondre à John Z avant de partir, là, après c'est fini. Là. Ouais. Est-ce que Mountain Lion sera compatible sur MacBook Unibody 2008? Si c'est un Unibody, ça va fonctionner. Unibody, oui, ça va fonctionner, mais c'est la dernière. Là. C'est comme... Après ça ne fonctionne plus. Après, ça ne fonctionne plus. Là. Fait que le prochain système, pas sûr qu'il va fonctionner. Là. Voilà. Fait que, où est-ce qu'on peut te rejoindre, toi, Alexis, sur les internets? Je peux me rejoindre au Alex Cornelier. Dernièrement, en fait, je travaille un petit peu plus, je suis content. Fait qu'on peut me rejoindre un peu moins. Sinon, je suis au niveau 59 à Diablo et je n'ai pas rejoué depuis. Ah, il y a une mise à jour qui est sortie aujourd'hui en plus. Qui est sortie aujourd'hui? Oui, 1.02C, je pense. Non, ça, je l'ai. Ça fait deux. Bon, ben, il n'y en a plus. Ça fait deux jours que c'est sorti. Puis, okay. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'ai un problème de disque dur ou quelque chose, mais dès que je pars Diablo, tout mon ordinateur est ralenti. Ah ouais. Au début, ça faisait pas ça, puis ça lag de partout. Fait que j'ai un petit peu abandonné pour ça, puis j'attends Torchlight 2. Tu sais. Ça va être le fun. Ça va être hot. On peut me retrouver à mon adresse Gmail. Si ça vous tente d'essayer là, de les photos stream sharing, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de trouble. Que ça peut être drôle. Fait que d'ici là, dans deux semaines, oui, on va être là dans deux semaines. Oui, dans deux semaines, on va être là. Excellent. Puis à dans deux semaines, à tout le monde. Salut bien. Bye. Bye.